وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وكمنز دونك لو كور دو الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى، افيك ان كومونتير اوسي دي الشيخ صالح السحيمي حفظه الله كذلك. اي لو تيتر il a pour titre ce cours la clarté du manhaj et son effet dans la propagation de l'appel à Allah Azza wa Jal. Il dit le cheikh حفظه الله تعالى كما سمعتم العنوان لهذه المحاضرة أو هذا اللقاء أو هذه المذاكرة بعنوان وضوح المنهج وأثره في انتشار الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، وهكذا الأنبياء والرسل أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. هذه هي دعوة الأنبياء، وضوح في المقصد ووضوح في الهدف ووضوح في الوسيلة والطرح. هذا الوضوح يجعل المتلقي مدرك لمراد الداعي ماذا يريد، ولذلك جمعهم صلى الله عليه وسلم في مكة ونادى في بطون قريش فدعاهم ماذا يريد، قال لهم كلمة، قالوا له لك عشر، فقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وضوح في أول مرتقى يرتقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع قومه بعد أن قال له الحق تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان كذلك البيان، العقيدة، التوحيد، فماذا كان منهم في مقابل ذلك الوضوح؟ كان تمرد والعناد. قالوا تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فقال الله عز وجل في ذلك القائل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ولذلك عجبوا من هذا الوضوح، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، سورة صاد. لنوبل الشيخ محمد بن رمزان الهاجري قال البخزاغ في دان سون كور انتيتولي لا كلارتي دو منهاج اي سون افي دان لا بروباغاسيون دو لابيل الله عز وجل. كوم فو لافي انتوندو سيت كونفيرونس او سيت رانكونتر ا سيت لوسون او سيت لوسون ا بور تيتر لا كلارتي دو منهاج اي سون افي دان لا بروباغاسيون دو لابيل الله عز وجل. الله انفويي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كوم اون ميزيريكورد بور لي موند. Il en est de même pour tous les prophètes alayhi salatu wassalam et tous les messagers alayhi salatu wassalam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et pour information, c'est un cours qui a été donné à la mosquée de Quba à Médine le mardi 15 du mois de Jumad al-Awwal de l'an 1432 de l'Hégire. C'est-à-dire que ça fait combien de temps maintenant? Plus ou moins? Hein? Ah non, donc c'est un cours qui est assez récent. Donc le verset ici, il est de Surat Nahl, verset 36. Et ici, voici donc le prêche des prophètes, alayhi salatu wassalam. Une clarté dans l'intention, une clarté dans le but, et une clarté dans le moyen et l'exposé. Cette clarté fait que celui qui reçoit cet appel comprend celui qui l'appelle et ce qu'il veut. Et c'est pour cela qu'il, alayhi salatu wassalam, les a regroupés à la Mecque et appela, hein, en arabe ici le mot c'est boutoun, hein, c'est fratrie. Vous savez, c'est quoi une fratrie en français? C'est une sous-division d'une tribu. Vous savez, c'est quoi une tribu quand même, non? Hein, une tribu, vous avez des sous-divisions, et parmi les sous-divisions, sans entrer dans les détails, il y a ce qu'on appelle al-boutoun, les fratries, hein, d'une tribu. Et donc, il regroupa et appela les fratries de Quraysh. Que veut-il? Il leur dit une parole. Il lui dit, nous te donnons 10 paroles. Il dit alors, ô mon peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Une clarté au premier lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté alors qu'il a réuni son peuple après qu'Allah lui ait dit ce dont la traduction du sens est: expose donc clairement ce que t'as commandé et détourne-toi des associateurs. Surat al-Hijr, verset 94. La clarification fut donc comme telle, la croyance et l'unicité. Comment ont-ils donc fait face à cette clarté? Ils y ont fait face par l'insoumission et l'obstination. Ils dirent, hein, tubbalak wa l'adhu billah, sa'ir al-yawm, que tu périsses toute la journée. À qui dit ça? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce pour cette raison que tu nous as réunis? Allah dit à propos de celui qui dit cette parole, ce dont la traduction du sens est, qu'est-ce qu'il a dit lui? Tubbana, sah? Allah, hein, tubbana, afwan, madalatan. Wa, Allah azza wa jal mada qal? Hein, tabbat. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibre. Et c'est la traduction de Surat al-Masad de versets 1 à 5. Tel est le prêche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, clair. Et c'est pour cela qu'ils furent étonnés de cette clarté. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et il aimait quoi? S'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu, et les infidèles dirent, c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Surat Sad, versets 4 et 5. Puis Cheikh il dit, Hafidallah, il continue en disant, Andoro, yasta'jibun min mada min du'ati al-haq. Famada kana minhum fi muqabili dhalika al-wuduh, kana al-tenfir, wa al-tahdir, wa tawasu ala dhalik. Wa antalaka al-mala'u minhum an imshu wa sbiru ala alihatikum, in hada la shay'un yurad. Tawasu fi محاربة دعوة الحق لأنها واضحة المعالم فكان منهم هذا العناد بل انظروا في مقابل ذلك الوضوح بماذا كانوا يعترضون بالدعاوى الباطلة وبالمخالفات الصريحة بل احتجوا بملل الكفر فإن ملل الكفر لا ترضى بالوضوح كما هو شأن اليهود الذين أثنوا على قريش ويعلمون أنهم على باطل فماذا قالت قريش؟ قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. سورة صاد. يعني أن آخر ملة ترى التثليث وهم النصارى وأنت تدعو إلى التوحيد أن الله واحد فاحتجوا بما قد حرفته النصارى انظروا إلى ما يتشبث به المبطلون يتشبثون بالباطل يصد الحق والحق واضح وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Comment ont dit donc il fait face à cette clarté en mettant en garde contre cet appel, et en faisant fuir les gens de cet appel, et en s'enjoignant cela les uns les autres. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en, et restez constants à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Surat Sad, verset 6. Ils se sont enjoints de combattre le prêche de vérité, car c'est un prêche avec des signes clairs, et donc ils se sont obstinés. Mais de plus, regardez avec quoi ils s'opposaient à cette clarté. Ils s'y opposaient avec de fausses accusations et avec des transgressions explicites. Mais de plus, ils ont utilisé comme preuve les religions de mécréance. Car les religions de mécréance n'acceptent pas la clarté. Comme c'est le cas des Yahoud qui ont fait l'éloge de Quraysh. Alors qu'ils savaient qu'ils étaient dans le faux. Qu'a donc dit Quraysh? Ils dirent, nous n'avons pas entendu cela dans leur dernière religion. C'est-à-dire quoi? Din Nasara, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Surat Sad, verset 7. C'est-à-dire que la dernière religion croyant la Trinité, ce sont les chrétiens. Et toi, tu appelles à l'unicité et au fait qu'Allah est unique. Puis le Cheikh dit, ils ont donc utilisé comme preuve ce que les chrétiens ont altéré. Regarde à ce à quoi ils se raccrochent, ceux qui nient la vérité. Ils se raccrochent au faux afin de détourner la vérité. Mais la vérité est claire. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Surat Isra, verset 81. Puis le Cheikh il dit, Hafidahullah Ta'ala, Da'watul haq wadiha min awli tarhiha. Fahada al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya'tihi rajul min majlisin wahidin yansarifu wa qad insarafa bi wajhin ghir ladhi atabihi. Limada min majlis wahidin tattadihu lahu al-da'wa. Fakun ayyuha al-sunni, ayyuha al-salafi, ayyuha al-muqtadi bi athar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalik. لأن الوضوح يختصر الطريق فتصبح تلك الدعوة واضحة لذلك المدعو فيتغير من يأتي المجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام من أول مجلس يجلسهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا هم أتبع الرسل دعوتهم واضحة جلية. Le Cheikh dit, le prêche de vérité est clair dès sa première présentation. Voici que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'un homme venait à lui, il le quittait après s'être assis avec lui une fois. avec un visage différent de celui avec lequel il lui était venu. Comment se fait-il qu'en une assise, le prêche lui apparaissait clairement? Donc, ô toi le sunnite, ô toi le salafi, ô toi qui suis les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, sois de même, car la clarté raccourcit le chemin, et donc le prêche apparaît clair à celui qui est appelé. Ceux qui venaient au prophète, alayhi salatu wassalam, se transformaient dès la première assise avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Les suiveurs des messagers font de même, leur appel est clair et apparent. La clarté fait partie du fait d'être à la face du monde. Comme dit le cheikh ici. فالوضوح من العلانية وهو من تمام الضحى والنور والضياء بخلاف الغلس وبخلاف التعمية وبخلاف التلون وبخلاف الكدر فكلها تخالف الوضوح فالوضوح واضح من حيث ما أتيت هذا فإذا به هو هو فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته واضحة مع الجميع هنا لما أن قدم إلى المدينة هذه المدينة النبوية que le cheikh a donné cours à Médine, à Majid Quba. Min hadha al-makan, Majid Quba, intalaqat al-da'wa biwuduhiha wa safa'iha. Fa ja'alat al-munafiqin yastatirun wa la yuqabilunaha illa bi an yu'linu al-islam. Wa qad akhfaw ma akhfaw. Wa hakadha 'adat al-mubtilin la yudhhirun. Wa am ashab al-wuduh fa hum ashab al-alaniyah. Fa iyyaka wa ashab al-khafa. La clarté fait partie du fait d'être à la face du monde. Et la complétion de la lucidité et de la lumière et de la luminosité, contrairement à l'obscurité, et contrairement à l'aveuglement, et contrairement à la versatilité, hein, le fait de changer comme ça tout le temps. Hein. Si, ici, littéralement, c'est le fait de changer de couleur. Et contrairement au trouble, car tout cela s'oppose à la clarté. Ce qui est clair. Et d'où que tu lui viennes, tu le trouveras clair comme tel. Le prêche du prophète, alayhi salatu wassalam, était clair avec tout le monde. Lorsqu'il est venu à Médine, ici à Médine, son prêche est parti de cet endroit, de la mosquée de Quba. En toute clarté et en toute pureté. Et donc les hypocrites se sont cachés. Et lui ont fait face qu'en déclarant leur affiliation à l'islam, alors qu'ils cachaient ce qu'ils cachaient. Et tel est le prêche de ceux qui nient la vérité. Ils ne se déclarent pas, tandis que les gens de la clarté sont ceux qui déclarent ouvertement. Prenez donc garde à ceux qui se cachent. Le cheikh il dit, hafidhahullah ta'ala, فتميزت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بوضوحها وعلانيتها. فعندما تجد من ليس كذلك فهذا عنوان على أنه على خلاف منهج النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته واضحة جلية في العقيدة وبيان الهدف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. دعوة واضحة جلية. جميع الأنبياء والرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوتهم. وذلك أتوا أصحاب المصالح يريدون أن يسوموا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال بلغة العصر بعض الأهداف المشتركة. وهي قاعدة التعاون والإعذار. يعذر بعضنا بعضا ونتفق على أشياء ونتنازل من أشياء. فماذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملك. فقالوا له لا نقطع أمرا دونك. ثم عرضوا عرضا آخر وهو المال. قالوا نجعلك من أغنانا، نجمع لك الأموال. ثم عرضوا عرضا أخير، نزوجك أجمل النساء. Ça, vous allez voir que c'est les trois choses dans lesquelles certains doivent tomber. Walhadou billah. Il dit donc le cheikh hafidhahullah ta'ala, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc distingué par sa clarté et le fait qu'il soit quoi? Qu'il soit public. Hein? Et c'est vrai que les salafis partout, alhamdoulilah, n'ont rien à cacher. Le discours, il n'est pas, on n'a pas un discours dans les tours d'HLM, hein? Caché dans les caves, ou je ne sais pas, dans les grottes de Tora Bora, hein? Et puis, dans les mosquées, devant les gens, on a un autre discours. On n'a pas ce genre de, alhamdoulilah, notre discours, il est en privé, il est en public, il est, hein? Il est le même. Le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc distingué par sa clarté et le fait qu'il soit public. Tu verras que ce n'est pas le cas de certains chez nous. Ceci est donc un signe que nous ne sommes pas sur la voie prophétique. Là, il vous donne déjà des règles. Le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair et apparent dans la croyance et le but. La traduction du sens de la parole d'Allah dit pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. Ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. Surat Sad, versets 86 à 88. Un prêche clair et apparent. Tous les prophètes et les messagers, alayhi salatu wassalam, ils ont dit quoi? Allah Azza wa Jalla a dit, dans le Coran, c'est dans la traduction du sens est, et nous avons envoyé au Ad leur frère Houd qui leur dit, oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Surat Houd, verset 50. Tel est donc leur prêche. Et c'est pour cela que ceux qui avaient des intérêts sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marchandant sur ce qu'on appelle dans le langage contemporain, certains objectifs communs. Et c'est la règle de l'entraide et de l'excuse. Vous connaissez sûrement cette règle-là. Et c'est la fameuse règle du groupe des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna en Égypte. Nous entraînons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous excusons sur ce quoi nous sommes en divergence. Et cette règle, hein, je vous donne une petite faïda, elle a été réfutée par les savants de la Sunna, comme notamment Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahmatullah alayh, dans son recueil des fatawa, volume 3, pages 58 et 59. Ainsi que l'excellent épître de Cheikh Hamad al-Othman, hein, sur le sujet. Un Cheikh du Koweït qui a fait un épître que sur ce sujet-là, et je pense qu'il a même d'ailleurs été traduit en langue française. Hein. Mais Bijm al-Fatawa, volume 3, page 58-59, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, il rapporte le nom de Hassan al-Banna et de sa qaïda, et il réfute cette qaïda-là. Alhamdoulilah. Qu'ont-ils donc proposé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ils lui proposèrent la royauté. Ils dirent, nous ne décidons pas une chose sans toi. Et puis ils firent une autre proposition, et c'est l'argent, en disant, donc la première c'est quoi? C'est-à-dire le pouvoir. Hein? Deuxième, l'argent. Et vous allez voir, la troisième c'est quoi? Les femmes. Et puis ils lui firent une autre proposition, et c'est l'argent, en disant, nous ferons de toi l'un de nos riches. Nous récolterons pour toi de l'argent. Puis ils firent une dernière proposition. Nous allons te marier aux plus belles des femmes. C'est une réfutation, comme les ulama dit, sur ceux qui disent, non, on prend le hukm, mais après on change les choses. Hein? Dans le sens où ils disent, non, on rentre, dans, on prend le hukm, on prend le pouvoir, même si c'est pas légiférer la voie, mais et après on change. Le pouvoir sera nous, à ce moment-là, on applique la sunna. Puis le shiridi, « وَلِذَلِكَ سَقَطَ مَنْ سَقَطَ وَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي إِحْدَى هَذِي الثَّلَاثِ إِمَّا أَنَّهُمْ إِسْتَزَلَتْهُمُ الْأُمُورِ السِّيَاسِيَّةِ وَمَسَائِلِ الْحُكْمِ وَشُؤُونَ ذَلِكَ فَسَقَطُوا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَسْتَمِرُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَنَحُوا مَنْحًا آخَرَ فَالْوُضُوحُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ لُغَةِ اللُّفِّ وَالدَّوْرَانِ فَسَقَطُوا فِي هَذَا وَأَصْحَابُ الْمُغْرِيَاتِ الْمَالِيَّةِ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَسَاقَطُوا فِيهَا فَأَصْبَحُوا مِنْ أَهْلِ الْحِيَلِ وَأَهْلِ الْأَمْوَالِ التي لا يخفاكم شأن الكثير ممن سقطوا في هذا وما فيما يتعلق في النساء فهي أشد على الرجل الحاذق مهما كان في حدقه فهو سهل السقوط في هذا المرتع. انظروا معشر الإخوة الكرام وجاءوا بتخابطة تخدر ساكسوا بتخلون pour les frères francophones. Il dit, et c'est pour cela que sont tombés ceux qui sont tombés et se sont perdus ceux qui sont perdus dans l'une de ces trois choses. Et retenez-les, ces trois choses: soit ils ont glissé à cause des affaires liées à la politique et au pouvoir, ils se sont donc tombés et n'ont pas pu continuer ce sur quoi ils étaient. Ils ont donc pris une autre voie que la clarté. Car la clarté ne va pas avec la langue de détournement de parole. Ils sont donc tombés là-dedans. Deuxième, soit ceux qui se sont concurrencés dans les intérêts financiers, et ils sont tombés. Ils sont alors devenus parmi les gens qui rusent et les gens attachés à l'argent. Et vous n'ignorez pas la situation de beaucoup de ceux qui sont tombés dans ce travers. C'est-à-dire, vous connaissez tous une association qui est très connue, qui est Ihya Turas. Hein? Qui est au Koweït, et dont le leader c'est qui? Abdurrahman ibn Khaliq, et les ulama ils ont jugé comme étant Moubtadi. Yahya Turas, ils ont divisé les salafis dans la majorité des pays. Avec quoi? Avec l'argent, avec les dinars koweïtiens. Et quand je parle de l'argent, c'est de l'argent. Hein? Donc, ils vont, et ils donnent, hein? Et ils proposent de l'argent de haut, ils construisent des mosquées, etc. Ils donnent des salaires, etc. Hein? Et c'est comme ça qu'ils tiennent les gens. Il y a beaucoup de fatwas de mashaykh, notamment Cheikh Rabi, notamment. Hein? Cheikh Ibn Baz l'a mis en garde sur lui, rahmatullah. Il y a beaucoup de mashaykh que. Hein? Pardon? Cheikh Al-Bani, je vous dis une faïda. Cheikh Falah Ismaili me l'a dit. Il a dit yani, que déjà il y a, de plusieurs dizaines d'années, ils ont été visités Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ils ont parlé d'Abdurrahman Abdul Khaliq, ils ont dit Salafi Kada. Et Cheikh Al-Albani a dit Abdurrahman Khaliq, Salafi, Mingal. Hein? Il a dit Salafi. À l'époque déjà, Cheikh Falah Ismaili était étonné. Les ulama. Il était avec Cheikh Al-Albani. Il a dit Mingal, Min Al, hein, comme ils disent en Fichel, Min Al, Abdurrahman Salafi. Le Basira, Basira, les ulama. Si vous voulez avoir plus de détails, etc., écoutez les... D'ailleurs, qui en a parlé en détail aussi dans un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps? C'est un docteur à la Mecque. Il a réfuté quelqu'un, une grosse réfutation comme ça. Hein? Cheikh Ahmed Bezmoul. Dans son livre qui est quoi? Siyanat Salafi. Qu'il a raté sur Ali Hassan Halabi. Hein? Et là-dedans, il a parlé d'Ihya Touraf. Parce que l'histoire d'Ali Hassan Halabi, elle est liée à l'histoire d'Ihya Touraf. Hein? Ils ont essayé à l'époque, c'est Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, hein? Vous connaissez les réfutations de Cheikh Mokbil, rahmatullah, quand Cheikh Mokbil fait une cassette, hein? Khalas. Surtout au Yémen, il y a une grande pauvreté. Ils ont essayé, hein? Ils ont essayé d'avoir les gens avec l'argent. Et ils en ont eu quelques-uns. Soit ceux qui sont concurrencés, comme on a dit, dans les intérêts financiers, ils sont tombés, ils sont alors devenus parmi les gens qui rusent et les gens attachés à l'argent. Et vous n'ignorez pas la situation de beaucoup de ceux qui sont tombés dans ce travers. C'est pour ça que même les responsables de mosquées et de centres salafites doivent faire très attention à tout ce qui touche à l'argent. Hein? Avant de faire quoi que ce soit, 001-966-48-48-06-37 sur Awil Jabiri. Hein? Salam alaikum, Achir, kada kada, il y a quelqu'un qui nous propose de dire kada kada, hein? Istirshad. Fais pas une khotwa sans qu'il n'y ait pas un alim avec toi. Parce qu'attention, hein? Quand ils voient un achat de salafi, ne croyez pas que vous êtes là, vous faites votre achat, il y a des gens, ils sont autour, ils ont déjà un œil. Hein? Et ils essayent différentes. Hein? Et l'argent, et vous connaissez les difficultés que vous avez dans l'argent. Hein? Allez, Ihsan, fadal, prends, mais allez, je prends un kada. Au début, c'est comme ça. Hein? Et après, petit à petit, hein? La carotte. Et puis quoi? Sans te rendre compte, il fait quoi? Il serre contre, hein, autour de ton cou, hop, et il te tient. Salah la vie. Fitna le mal. Troisième fitna. Ça, c'est encore une autre fitna. Soit les femmes, quand ce qui concerne les femmes, elles sont plus dangereuses pour l'homme. L'expert, qui autant expert soit-il, est facile à faire tomber dans ce genre de foyer. Puis Cheikh il continue en disant, Hafidhahullah ta'ala, انظروا معشر الإخوة الكرام. هذه الثلاث هي قاسمة الظهر. فيا طالب العلم كن على حذر من هذه الثلاث. وخص طالب العلم لأن الموضوع في وضوح الدعوة، في وضوح المنهج، وأثره في الدعوة إلى الله. فعندما يعرف بأحد هذه الثلاث، فإن لها أثر على دعوته في الناس، وهذا مما قد يعيق الكثير. الوضوح في الاستدلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهرها لا يزيغ عنها إلا هالك. مثل البيضاء، هكذا الوضوح كبياض النهار مهما اشتدت الفتن وأظلمت، فإن وضوح منهج النبوة لا يختلف فيه اثنان. لماذا؟ لأنه طريق بين قائم على الدليل الصحيح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نعم، الكتاب والسنة وضوح في الاستدلال وفي المرجع وفي التحاكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء. هكذا الوضوح، والوضوح ابتلاء، ولذلك هو أمر شاق وصعب، فيتخلف منه أناس كثير. فيا أيها السني أثبت. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أبسط الأمور في ظن بعض الناس. Regardez, chers frères, ces trois choses sont des briseuses de dos. Ô toi, l'étudiant en sciences islamiques, sois sur tes gardes quant à ces trois choses. Et j'ai cité l'étudiant en sciences islamiques de manière spécifique, car le sujet traite de la clarté dans l'appel à Allah. Il traite de la clarté de la méthodologie et de son effet dans l'appel à Allah. lorsqu'il, c'est-à-dire l'étudiant en sciences islamiques, est connu pour l'une de ces trois choses, elle a alors un effet dans son appel des gens. Et cela peut être un empêchement d'accepter l'appel pour beaucoup. La clarté dans l'argumentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur une voie comme blanche. Sa nuit est comme son jour, ne s'en égarera que quelqu'un de déviant. Comme la voie blanche, telle est la clarté, comme la blancheur du jour. Quelle que soit la force des troubles et quelle que soit leur obscurité, car en ce qui concerne la voie prophétique, deux personnes ne peuvent être en désaccord. Pourquoi ? Car c'est une voie claire, établie sur la preuve authentique. Je vous ai laissé parmi vous ce à quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. C'est la parole du prophète, alayhi salatu wasalam. Oui, le Coran et la sunna, une clarté dans l'argumentation, une clarté dans la référence, une clarté dans le jugement. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Surat Nisa, verset 65. Telle est la clarté. Et la clarté est un test. Et c'est pour cette raison que c'est une affaire difficile et ardue et que beaucoup de, à laquelle, dans laquelle beaucoup de gens défaillissent. Ô toi le sunnite, sois ferme, car tel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que certains considèrent comme les plus petites affaires. Puis cher, il dit, Atarajulun li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir ce qu'on a parlé hier de Kha'inat ce matin, de Kha'inat l'Ayoun. Atarajulun li nabi sallallahu alayhi wa sallam yubayya wa huwa mimman qad uhdira damuhu. Alors pour traduire uhdira damuhu, comment vous traduirez ça, vous? Je répète la phrase. Non, wa'iduha. Atarajulun li nabi sallallahu alayhi wa sallam yubayya wa huwa mimman qad uhdira damuhu. Quelqu'un dont le sang a été versé, ça hein? Vous allez voir que c'est une traduction fausse. Hein? On ne peut pas savoir que si. Il faut revenir au charah du hadith en fait. Fa'idabi yandoru ila rajul wa yandoru ila sahaba yumnatan yusratan. Falama karra dhalik rajul thalathan, madda lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam, fabaya'ahu. Thumma altafata ila sahaba faqal, lima lam taqtulu rajul? Fasakatu, rajul aqdama al nabi sallallahu alayhi wa sallam biyadihi. لبايع وهم يعلمون أنه ممن قد أهدر دمه فقالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا يعني بعينك regardez le وضوح الله أكبر regardez le وضوح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين من فاك لدي فاسين صحابة لا الوضوح تعرفون معنى هذا هم يقولون أن يا رسول الله لو أشرت لنا بعينك في الشيخ دي ما أدري ما يسميها البعض إحنا يسمونها عندنا غمزة إحنا تحت البلاد كنقولوا الغمزة غمزوا غمزتيها كذا غمزتيها صلى الله عليه يعني غمزة بعينه أو أشار بطرفه فأغمد واحدة وترك الأخرى فاتحة يعني أعطاهم إشارة أن يصنعوا بالرجل شيء وهي إشارة خفية واضح هذه الإشارة الخفية ليست من منهج النبوة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين انظروا إلى أي درجة الصفاء والنقاء والوضوح وليس التلون الشيخ يقول أنام ذات بخفات صلى الله عليه وسلم. Alors, vous êtes peut-être curieux de savoir c'est qui cet homme-là. Hein? Vous voulez savoir c'est qui? C'est Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, avec Sin, Sarh. C'était qui, c'est Abdullah? Hein? C'était le frère de l'aide de Usman ibn Affan. Voir l'explication de Sunan Nasa'i de Cheikh Mohamed ibn Adam, ibn Ali, ibn Adam l'Éthiopie, volume 31, page 398. Et donc cet homme-là, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui prêter allégeance, d'accord? Alors qu'il faisait partie, en français on aurait pu traduire par « il faisait partie de ceux dont le sang était versé ». Je dis « mais comment ça kiffe ?» Quand j'ai lu le hadith, j'ai dit « hein ?» Ici, il y a quelque chose à faire attention. Hein? Alors qu'il faisait partie de ceux dont le sang devait être versé. C'est ça la bonne traduction. Hein? Voir la même référence que précédente de Cheikh l'Éthiopie, Sarh Sunan Nasa'i, page 405. Il s'est mis alors à regarder l'homme et à regarder les compagnons à droite et à gauche. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça. Lorsque l'homme répéta cela trois fois, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tendit la main et il accepta son allégeance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers les compagnons et dit, pourquoi n'avez-vous pas tué l'homme? Les sahaba qui sont tués, ils se tuent à Sakato. L'homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faire allégeance alors qu'il savait qu'il faisait partie de ceux dont le sang devait être versé. Et ceux dont le sang devait être versé, c'est par rapport à Fath Mekka en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout le monde est en sécurité sauf quatre hommes et deux femmes. Les quatre hommes, c'était Ikrima, Ibn Abi Jahl. Il s'est converti. Vous connaissez son histoire, Ikrima, Ibn Abi Jahl, comment il s'est converti? Hein? Par rapport à l'histoire du bateau, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Ikrima ibn Abi Jahl. Hein? C'est qu'ils étaient dans une tempête et ils étaient dans une tempête et en fait, il a évidemment, les mouchriquins, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque quand il y avait une tempête et qu'ils étaient sur un bateau? Hein? Ils étaient sincères, ça, oh là là. Ils faisaient du'a à Allah Azza wa Jal. Il a dit, si c'est ça qui va me sauver dans la tempête, c'est ça qui va me, hein, sur la mer, c'est ça qui va me sauver sur terre. Il a dit que hein, il a fait la promesse à hein, Allah Azza wa Jal que si il est sauf, qu'il ira voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a fait, il s'est converti à l'islam. Radiallahu anhu arda. Donc le premier c'est Ikrima ibn Abi Jahl. Donc lui il a été sauvé, alhamdoulilah. Hein? Le deuxième c'est Abdullah ibn Khattal qui fut tué. Maqis ibn Subaba qui fut tué aussi. Et maintenant c'est qui le quatrième? C'est Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta l'allégeance. D'accord? Il y en a deux qui ont été sauvés et deux qui ont été tués. Voir l'explication de Sunan Nasa'i et de Sheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 31, page 397 à 405 pour plus de détails. Et pour finir cette petite histoire par rapport à Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, après, plutôt en fait c'était quelqu'un qui écrivait le wahi. D'accord? Katib le wahi. Non. Et puis ce qui s'est passé, irtad. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Et après donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'allégeance, alhamdulillah, il est mort hein, entre les deux teslims de la salah. Il avait demandé à c'est-à-dire une réaction soit une salat subh. Et il a prié, il a fait le premier teslim avant qu'il fasse le deuxième. Il est mort. Et il a été notamment le sebeb des futouhs, des grandes futouhs en Afrique, etc. Faradullah anhu arda. Et c'est qui en fait, il s'est caché dans la maison de qui? De Usman ibn Affan, qui est son frère par allaitement. Et c'est Usman ibn Affan qui l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qu'il lui fasse l'allégeance. Ça va, vous avez l'image maintenant ou pas? J'ai pas compris. Parce qu'au début, il était caché. Parce que son nom, il a été cité. Parmi les quatre dont le sang devait être versé. Et c'est caché dans la maison de Usman ibn Affan. Et c'est Usman ibn Affan qui l'a prêché le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et trois fois, il a proposé, etc. Et la troisième fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a accepté. Ça va? Je donne une référence, allez retourner voir si vous voulez encore plus de temps, parce que c'est très très long, c'est... Hein? Ils dirent, oh messager, c'est ça le shahid ici, c'est le témoin argumentatif ici. Ils dirent alors, oh messager d'Allah, pourquoi ne nous as-tu pas fait signe, c'est-à-dire de ton œil, hein, un petit signe, un clin d'œil ou un petit signe de l'œil pour nous faire comprendre. Regardez le wudu, la clarté dans le dawa. Le prophète Sarzim, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne convient pas au prophète d'avoir des yeux qui trahissent. Clarté. Connaissez-vous le sens de cela? Ils disent, oh messager d'Allah, si tu avais fait signe de l'œil. Puis le chéri dit, je ne sais pas comment certains l'appellent, mais nous l'appelons un clin d'œil. Hein? Et c'est le fait de cligner de l'œil ou de faire un signe du regard, de fermer un œil et laisser l'autre ouvert, etc. C'est-à-dire que leur fascine de faire quelque chose à cet homme, c'est un signe discret. Est-ce clair? Et même ça, le prophète Sassim l'a dit, il ne convient pas à un prophète Sassim qu'il ait des yeux qui trahissent. Ce signe discret ne fait pas partie de la voie prophétique. Qu'a donc dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? وإياك وأصحاب التلون وأصحاب الرياح، فحيثما كانت الرياح كان كذلك. فإن كانت رياح أهل السنة قائمة فهو تجد طرحه طرحا سني ويعجبك في مقاله، وتستنكر أحيانا بعض الأشياء لأنها تأتي الرياح من جهة فيها بعض الجيف وهكذا، فتشعر أن في هذا الكلام نفس بخلاف الأول، لأنهم أصحاب وجوه وأصحاب تلون. فإياكم الخلوف، فالخلوف كثر لا يريدون منهج النبوة والسلف الصالح، يريدون منهج الخلف ولا يريدون أن يتبعوا السلف. C'est-à-dire, regardez jusqu'à quel degré de propreté et de pureté et de clarté, et non pas de changement de position en fonction des intérêts. Ah, littéralement, on a dit quoi si je fais de changer de couleur? Comme un caméléon. Caméléon, il s'adapte. Hein? Et les gens qui ne sont pas clairs dans la da'wah, c'est comme ça. Là, avec le sunni, il est comme ça. Et là, avec l'autre, il est comme ça. Hein? En fonction de ses intérêts. Ça, ça n'existe pas dans la salafia. Et il dit, Cheikh, prends garde à ceux qui changent de position. Prends garde à ceux qui sont comme le vent. Ils sont là où est le vent. Ou bien des frères, des fois, ils disent des choses dans des assises privées. Hein? Et en public, c'est un autre discours. Il faut faire attention à ces gens-là. Prends garde à ceux qui sont comme le vent. Ils sont là où est le vent. Si les vents des gens de la Sunna sont établis, tu verras que son exposé sera sunnite. Et tu aimeras sa parole. Et des fois, tu n'apprécieras pas certaines choses. Car les vents viennent d'un côté où il y a quelque chose de fétide. Il y a une mauvaise odeur qui vient de ce côté-là. Hein? Vous connaissez une odeur fétide? C'est une très très mauvaise odeur. Hein? Tu sentiras donc que dans cette parole, il y a un souffle différent du premier. Car ce sont des gens qui ont différents visages, différentes prises de position. Prenez donc garde aux mauvais successeurs. Alors le mot khulouf, si vous regardez dans les salles arabes, il y a plusieurs pages rien que sur ce mot-là. Alors pour le traduire, hein? Khulouf, c'est le pluriel de khalf. Ce mot est toujours péjoratif. Contrairement à khalaf, comme le dit Cheikh l'Éthiopie. Tu veux ou pas? Il y a khalaf et khalf. Khalaf avec le fetha sur l'âme et khalf avec le sukun. Ce mot est toujours péjoratif, contrairement à khalaf. Il peut avoir les deux sens. Cheikh l'Éthiopie a rapporté le khilaf chez Ahl Loura, etc. Cheikh l'Éthiopie, hafidallah, quand il rentre dans le masail, hein? Alhamdulillah, moi ils mettent beaucoup dans les traductions sarahatan parce que. Mais là, il y a tout le coucher, Zallah khiran. Et je vous donne la référence vers l'explication de Sahih Muslim de Cheikh Mohamed ibn Adam l'Ethiopie. Hein, moi j'avais 18 volumes à la maison, et il a fait le terminé Kitab Iman, Kitab Salah. Et ça devrait être 50 volumes, inshallah. Hein? Et on demande à Allah qu'il lui donne une longue vie sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il puisse terminer Ibn Majah aussi, et tous les livres de la Sunna, parce qu'il a commencé Ibn Majah, il a commencé le Bukhari aussi. Il a d'ailleurs la traduction de Sahih Muslim, il l'a fait en deux tomes. Hein, non? Il a la Mecque. Son père est un alim aussi, c'est Mohamed ibn Ali ibn Adam. Son père, c'est un alim. Hein? Et pour la petite histoire, quand il a été à Dal Hadith, bon, il veut se présenter comme étudiant. Hein? Il a fait l'examen, il a dit, toi t'es un cheikh. Il a dit, si tu veux, tu peux enseigner. On te laisse le choix. Hein? Et fait, l'année, il a enseigné. Hadib. Dans son introduction de Sunan Nasa'i, regardez les tazkiyas des mashiyakh comme Cheikh Mokbel, etc. Il dit, Bahar, fa'ulum l'ugha wal hadith. C'est vrai, c'est rahat. Non? Bila chak, très modeste, bien sûr. Et c'est un cher que je n'ai pas encore l'occasion de rencontrer. Et le frère dont je vous ai parlé ce matin, Boutalha, il l'a rencontré. Il a été essayé de le voir. Parce que l'Ethiopie, il est vite sorti par une autre porte après le cours. Hein? Et Boutalha, il l'a rattrapé de l'autre côté. Hein? Pour lui poser deux questions dans le hadith. Hein? Il a beaucoup de. Dans le Lourd al-Arabiya, il a un charh de l'Alfiya, il a un charh de l'Ajroumiya. Au sous le fiqh, j'en parle même pas. Hein? Il a même ses propres. Il est très fort dans la poésie. D'ailleurs, une fois, j'étais en train de traduire un hadith. Qui est par rapport à où seront les gens. Il y a un juif, il a demandé au prophète Sassam où seront les gens le jour où les cieux et la terre vont être transformés par rapport à la dernière heure. Et le prophète Sassam, il a dit Fi dhulmatin duna al-jisr. Duna. En arabe, c'est quoi duna? C'est un des sens, tu as raison. Un autre sens. En dessous. Donc, qu'est-ce qu'on nous va traduire? Et ils sont dans l'obscurité, sous le pont. Hein? Ça, c'est faux. Parce que Duna, il veut aussi dire au-dessus. Duna, il a 9 sens. Sur l'Éthiopie, il a fait un poème pour ses 9 sens. Et il a, c'est pour ça, encore une fois, Al-Tarjama al-Istilahiya. Duna, il a dit, ici c'est Fawqa. Pourquoi Riwayat Aisha dans Sahih Muslim? Hum ala sirat. Je ne vous cacherai pas, je n'ai pas encore étudié, là, parce que je préparais ce cours, je n'ai pas eu le temps d'étudier ces vers de poésie, mais il a donné 9 sens. Il y a des sens qui sont, quoi? Opposés. Il y a des langues arabes. Mais tu as raison, c'est pour ça que je dis, il y a 9 sens. Duna, c'est 100 ou 1, à l'exception de, parmi un des sens. En dessous, au-dessus aussi. Là, c'est un cher que j'en parle un peu comme ça, pour que vous le connaissiez un peu plus, Annie. Hein? Et c'est un cher contemporain, il est encore vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il enseigne à la Mecque. Hein? Donc, le mot khulouf, on l'a traduit ici par quoi? Prenez donc garde aux mauvais successeurs. Les mauvais successeurs sont nombreux et ne veulent pas la voie prophétique et des plus prédécesseurs. Ils veulent la voie des successeurs et ne veulent pas suivre la voie des plus prédécesseurs. Puis le cheikh il dit: وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْوُضُوحِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهَا طَرِيقٌ مُخْتَصَرٌ لِإِيصَالِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الدَّعْوِيَّةِ فَعِندَمَا يَتَبَيَّنُ لِهَذَا الْمَجَالِسِ لهذا المجالس أو لهذا السامع أو لهذا القارئ فيصل إلى المراد بسهولة وبطريق مختصر. Rien que sur le mot tariq, sur l'Éthiopie, il a parlé en long et en large. Hein? Sur les pluriels de turuq ou atruq, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Hein? Je vous donne notre faïda par rapport à l'Éthiopie ou pas, hein? Vous, qui écoute les cours qu'on fait de Usul Sunna de l'imam Ahmed? On a fait 11 cours pour le moment à Birmingham. Et à un moment dans Sahih Usul Sunna, il parle de... Il y a quelqu'un dont le châtiment il a été allégé, c'est vrai ou pas dans la Sunna? On a des textes. Parce que le prophète a intercédé. Hein? Abu Talib. Hein? Naam. Et qu'il est quoi, fille? Dah. Dah, dah. Min. Min. Comment tu vas traduire dah, dah? Comment tu vas la traduire? Chez l'Éthiopie, il te rapporte l'eau de Dahbah, d'où ça vient. Et qu'à la base, c'est quand l'eau, elle est très très basse, le niveau est très très basse sur le niveau du sol. Et que ça arrive au niveau des chevilles. Et ça a été visité ici pour le feu, donc il est dans le feu jusqu'au niveau des chevilles. Hein? Alors, bah, hein? Alors, ceux qui traduisent par des bottes ou de tout ça, c'est des braises, comme des sandales. Voilà. Allah, moi je ne peux pas dire oui ou non, c'est l'aqidah. Je sais pas. Moi, j'ai, hein, je mets un mur derrière moi, hein, sur l'Éthiopie, et je me mets comme ça. Moi, j'ai dit ce qu'il a dit sur l'Éthiopie. Hein? C'est quoi, en général, c'est ce qu'on essaie de faire dans les traductions. C'est une amana. Et là, des fois, on parle, on a le cœur qui fait comme ça. Hein? De conditions, haja qui est pas. Hein? C'est pour ça qu'on a consacré une rubrique dans notre site. Qui s'appelle errata, c'est-à-dire les erreurs de traduction et de publication, etc. Parce que subhanallah, le bachar. On est tous, hein? Tu parles devant les gens, hein? Vous avez déjà fait un cours devant des gens ou pas? Hein? C'est pas comme quand on parle à quelqu'un normalement, c'est toute une. Hein? Il y a beaucoup de gens autour de toi, il y a des interactions, etc. Et puis, le mot il vient pas toujours, et tu peux dire des choses, etc., etc. Hein? Non? Yeah, cher, hadare, le cher. Rijlik hakada. Mais t'as fait le bête, machallah, imam al-haram. Hein? Wallah al-musta'an. Hein? Allah al-musta'an. Salah al-afi. Donc, parmi les choses par lesquelles se distingue cette clarté dans l'appel à Allah, c'est que c'est une voie raccourcie pour faire arriver le message de cet appel. Lorsque cette clarté apparaît à celui qui est assis ou qui écoute ou le lecteur, il arrive à ce qui est voulu avec aisance et de manière raccourcie. Puis Cheikh il dit: وَهَيْدًا هَذَا الْوُضُوحِ تَجِدُهُ شَامِلٌ وَكَامِلٌ فِي جَمِيعِ مَنَاحِ الْحَيَةِ وُضُوحٍ فِي الْعَقِيدَةِ وُضُوحٍ فِي الطَّرْحِ إِنْ أَتَى فِي الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ فَهِذَا يُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَيُنْفِي مَا نَفَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَيُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ النبي صلى الله عليه وسلم دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. وإن أتى في مسألة العبادة فإذا به واضح جلي، لا يرى الاستغاثة إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستشفى إلا به، ولا يحلف إلا به، ولا ينظر إلا كذلك، هكذا واضح في هذا الأمر، لا تجده مع أصحابي من أصحاب الشرك والتلون. إن أتى إلى مسألة الاتباع فإذا به حريص أشد الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سائر في الأمر الشرعي، فالله تبارك وتعالى يقول فاستقم كما أمرت. فالأمر حيثما أتى واجب على المسلم الاستجابة بالوسع والطاقة، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ومن هيتكم عنه فانتهوا. Tu verras aussi que cette clarté est globale et complète dans tous les domaines de la vie. La clarté dans la croyance et dans l'exposé, et lorsqu'il parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras qu'il attribue à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué et exempte Allah de ce dont lui-même s'est exempté. Il lui attribue ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui attribuait sans teshbih, ni tamthil, ni ta'wil. Encore une fois, c'est des termes qu'il convient de quoi ? De définir. Alors je vous les donne, je vous la définition. Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, le tamthil, c'est d'affirmer un semblable à une chose, vous suivez ou pas ? Et il implique la similarité et son équivalence en tous les points. Ça c'est quoi ça ? Hein ? Al-tamthil, ahsan. Le tashbih, c'est quoi ? C'est d'affirmer un ressemblant à une chose, et cela implique la ressemblance qui est une équivalence dans certains attributs. Ça c'est quoi ? Tashbih. Il se peut que l'un de ces deux mots soit utilisé à la place de l'autre. Vous avez la référence de Cheikh Al-Uthaymeen, Al-Wasitiya, volume 1, page 97 à 117. Le ta'wil, c'est quoi le ta'wil ? Cheikh Mohamed ibn Salih Al-Uthaymeen aussi, il dit, le ta'wil, c'est détourner une parole de son sens apparent. Et ce genre est de deux types. Il y a deux genres de quoi ? De ta'wil. Louable et blâmable. S'il est indiqué par une preuve, il est alors louable. Mais comment on l'appelle celui-là ? Tafsir. Il expliquait quoi ? Il est appelé explication. Et s'il n'est pas indiqué par une preuve, il est alors blâmable et il est appelé comment ? Tahrif, falsification. Et c'est ce dernier genre qu'utilisent les gens qui falsifient le sens des attributs d'Allah. Voir l'explication de l'Ouassitiya, la même source, volume 1. Page 88 à 91. Et c'est donc ce sens ici de falsification qui est voulu ici par le Cheikh Mohamed Ibn Ramzan al-Hajiri, hafidhahullah ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Surat al-Shura, verset 11. Et s'il parle de l'adoration d'Allah, tu le verras clair et apparent. Il voit qu'il est autorisé d'implorer le secours que d'Allah, et que nul ne doit être invoqué en dehors d'Allah, et que la guérison ne doit être demandée qu'à Allah, et qu'il ne faut jurer que par Allah, et que les vœux ne doivent être voués qu'à Allah. Clair dans ce domaine, tu trouveras qu'il ne fait pas partie des gens de l'association du shirk et du changement de position. Quant à ce qui concerne le suivi, tu le trouveras très attaché et désirant ardemment le suivi du prophète, salam, car il est sous l'ordre de la législation. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. » Fastaqim kama umirt, surat Hud, verset 112. Là où il y a un ordre, il est obligatoire aux musulmans d'y répondre, en fonction de la capacité. Ce que je vous ai ordonné, mettez-le en application si vous en avez la capacité. Et ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Il en est de même quant à la clarté de son suivi. Hassan, il en a parlé, ça, dans son dars. Le Cheikh Nejmi, suivez ou pas ? Il a parlé de quoi ? Que dans l'obligation, c'était lié à la capacité, mais dans le fait de délaisser les interdits, ce n'est pas lié à la capacité. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, « Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs, et c'est surat Yusuf verset 108. هكذا الوضوح في اتباعه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة يوسف verset 108 فهو واضح في دعوته واضح في مقصده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فهو يدعو إلى الله أي إلى توحيد الله لا إله غير الله لا إلى تنظيمات ولا إلى أحزاب ولا إلى طوائف ولا إلى فرق إنما يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة أي على علم فمن ليس على بصيرة فهو على ضلال وجهل وحيرة ماذا يدعو إليه فرق بين من تكلم قبل أن يتعلم ومن تكلم بعد أن تعلم فهذا يتكلم سيتكلم بما قد تعلم بالبيان والدليل الواضح الجلي فمن ليس عنده علم فهو ما بين قصص وبين منامات وما بين خرافات وخزعبلات ماذا يقول للناس Il est donc clair dans son appel et clair dans son intention. Dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Il appelle donc à Allah, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah. Nulle divinité n'est adorée en vérité en dehors d'Allah. Pas aux organisations, ni aux sectes, ni aux groupes. Il n'appelle qu'à Allah, nous basant sur une preuve évidente, c'est-à-dire sur la science. Donc celui qui n'est pas sur la science est dans l'égarement. Et l'ignorance et la confusion. À quoi appelle-t-il donc ? Il y a une différence entre celui qui parle avant d'avoir appris et celui qui parle après avoir appris. L'un parlera avec ce qu'il a appris, avec clarification et la preuve claire et évidente, tandis que celui qui n'a pas de science, il sera entre les histoires et les rêves, il sera entre les fables et les farces. Que peut-il dire aux gens ? Hein, vous connaissez la fitna de Juhayman ? Qui la connaît ? Hein, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Naam, où ça ? Naam, et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est terminé ? Ils ont pris en otage la Mecque, hein, vous savez ça ? La Kaaba. Naam, vous ne connaissez pas cette histoire ? C'est à l'époque où Cheikh Fall Ismaïl était étudiant en Médine. C'était... Cheikh Fall Ismaïl a dit qu'ils étaient parmi les Tullab, les Huffat, hein, etc. Pourquoi j'ai parlé ça ? Parce qu'on parlait de Manamat. Ils ont eu des rêves. Naam. Ce qui dit que l'un d'entre eux, c'était quoi ? El Mahdi, le Juhayman. Hein ? Vous voyez, il montre sur Internet certaines images, etc. À la couleur de son procès, etc. Parce qu'ils l'ont attrapé, lui. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup de soldats saoudiens qui sont morts dans cette histoire parce qu'ils ont donné l'assaut à la Kaaba pour reprendre la Kaaba. Vous avez entendu cette histoire ? Hein ? Non ? Oui, c'était encerclé, hein ? Non ? C'était... Comment ils ont fait ? Je vous raconterai d'abord... Donc c'est Juhayman. Ils ont commencé à avoir des rêves comme quand lui, c'était le Mahdi. Hein ? Non. À l'époque, Cheikh Fall Ismaïl, ils ont dit qu'il y avait des munaqashat. Parce qu'ils ont commencé à dévier, etc. Le Mashaykh, il avait Cheikh Rabi, il avait Cheikh Mohamed Aman, il avait Cheikh Fallah, hein, etc. Hein ? Et qu'ils essaient de débattre avec eux pour les ramener à la raison par rapport à ces rêves que c'était le Mahdi, etc. Et puis à un moment ils ont coupé avec le Mashaykh. Vous voyez, hein, la dépendance par rapport aux ulama. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme l'a dit le frère, ils ont forcé les choses. Comment ils ont fait? Ils sont rentrés avec des civières comme pour le Janaïs remplis d'armes dans le haram. Et les gens ont dit quoi? Des frères qui amènent quoi? Des morts pour qu'on prie sur eux la prière funèbre. Ça voulait la funéraire. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les armes, ils ont pris en otage toute la Kaaba. Hein? C'était une grande fitna, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Hein? Oumana Akhar. Cheikh Fall Ismaïl d'Akhar al-Sijn. C'était une, hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont accusé un certain parmi les mashaykhs, donc Cheikh Al-Albani, Cheikh Mokbel, Cheikh Fall Ismaïl, etc. Hein? Ils ont accusé d'être liés à tout ça, en résumé, quoi. Hein? Comme l'a dit le frère très justement. Ala kouli, alhamdoulilah. Et donc, c'était une grande fitna. Donc, il faut faire attention aux rêves. Et c'est pour ça que Cheikh Fall Ismaïl nous a donné un cours. Il a parlé de ça pour donner ça comme exemple par rapport aux rêves. Hein? Les rêves, ce n'est pas une source de législation pour nous en islam. Ça, oulala. Hein? Il faut faire attention à ça. Ça peut paraître anodin, mais c'est de tout Allah, de Hufad et Ikhwa. Attention. Et d'ailleurs, Cheikh Falah Ismail nous a dit que quand ils ont attrapé le Juhayman, parce qu'il l'a attrapé vivant, hein, après il a été. Hein? Hakuma Saoudi, ça a été clair. Hmm? Ils l'ont attrapé vivant et il a dit quand les mukhabarat, etc., les policiers, etc., ils lui posaient des questions, ça, il ne parlait pas, il ne disait pas un mot. Et après, certains machir, ils sont venus, etc., ils lui ont parlé, etc. Il a dit, innama hiya kanat fitna. Il a dit, c'était une fitna dans laquelle on est tombé. Hein? Et après, il y a eu le hukum shara'i, etc., etc. Fitna al-Juhayman. Mes chers, ils en parlent dans les livres. Donc maintenant, quand vous entendez fitna al-Juhayman, vous savez c'est quoi? Hein? Il a été... Allah, mais moi, ce que je sais, c'est le hukum shara'i qui a été fait sur lui. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme dommage et le fitna qu'ils ont fait. Mais le haram, ya ikhwa. Le haram, le Mekki. Salah al-afiyah. Allah, salah al-afiyah. Évidemment, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire la bai'a à lui après de la Kaaba. Ils ont dit, ah, c'est lui le maintenant le Mahdi, khalas. Hein? Eh! Hey. Où le Mahdi? Khalas, maintenant, c'est, hein? Je ne sais pas si facile. Et puis la traduction du sens de la parole d'Allah dit, et moi et ceux qui me suivent. C'est donc cela la clarté. Lorsque tu vois ce prêcheur qui appelle et puis mélange beaucoup de choses, ce n'est pas un prêche unique. Et Cheikh il dit, عندما يقول شخص أنا دعوتي سلفية صوفية رياضية سياسية فإذا به يجمع التناقض وآخر يقول أنا عقيدتي سلفية وأبايع على الطريقة الجشتية السهرة واردية والقادرية نقشبندية ما هذا؟ des sectes que vous n'avez pas trop ici je pense, vous en avez peut-être même si vous ne connaissez pas, vous avez Naqshband ici en Angleterre, merhaba, hein, yani hadith wala haraj, tu connais toi celui-là, hein, il vit où lui? Je pense qu'Allah Alim qui vit en Chypre. Voilà, adou billah, ça se laisse au khara dans le shirk l'akbar, adou. A la kouli hal. Cheikh, il dit quoi ici? Il dit, il y en a ce qu'un individu, il dit, moi mon prêche est salafi, soufite, sportif et politique. Le cheikh, il n'a pas inventé ça, c'est parce qu'il entend des choses comme ça. Il regroupe des contradictions. Et un autre, il dit, eh, vous en avez des francophones qui... Je n'ai même pas envie de faire la pub pour dire leur nom, hein? Ça, oh là là, hein? Toujours, hein? Vous savez qui c'est, hein? Hein? Oui, hein, le genre de discours comme ça, hein? Ceux qui disent, non, la sœur, en fait, tu la regardes, mais tu la regardes pas, etc. C'est, hein? Annie, tu dois pas baisser les yeux parce que tu la regardes sans la regarder, etc. Hein? Vous savez de qui je veux parler? Et il y en a un autre qui dit, moi ma croyance est salafi et je prête allégeance selon la voie jishtiya. Et saharawardiya, et qadiriya, et naqshbandiya. C'est toutes des voies de soufis. Puis il y en a qui disent, ma croyance est salafi, mais ma manière de faire face est contemporaine. ثم يقول أنا عقيدتي سلفية ومواجهتي ليست سلفية إنما هي عصرية. لماذا يهربون من أن تكون دعوتهم دعوة نبوية سنية في سلوكها مواجهتها وطرحها وبيانها؟ لأنهم لا يجدون في ذلك بغيتهم، لهم مقاصد تختلف عن هذه الطريقة، فهؤلاء طرحهم ليس واضح، ففرق بين من يقول أدعو إلى الله ومن يبدأ بغير ذلك. هكذا كان الموضوع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que quelqu'un qui m'amène quelque chose avec un petit peu de sucre? Que j'ai la tête qui tourne. هكذا كان الوضوح منهج النبي صلى الله عليه وسلم واضح حتى في طرحه مع الناس وتعامله نفس من نسين دات انت حاجه الله بارك الله ها انت حاجه كوج ما تبيت انت جي حاجه بارك الله فيك عفوا جيت كومونس ا مانجي لا فوم يعني جيت لا تيرميني ها تاتي الجاريه فيقول لها اين الله فتقول في السماء فيقول من انا فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقول لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. هكذا الوضوح، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بارك الله نوصل جزاك الله. J'aimerais bien le partager avec vous, mais vous me permettez, hein? C'est la collation, comme à l'école, ça, oulala. Vous appelez ça le 10h en France, non? Comment vous appelez ça? Non? Le goûter. Le goûter le matin? La récréation? Le baraklof, il commence. ومواقف الوضوح في دعاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن ذلك ما قاله للخارجي الذي قال له يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ يخرج من ضئضئ هذا إلى آخر الحديث الإشارة إلى من غائب ولما حضر. وضوح، أليس هذا حكم على شخص بعينه؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. انظروا معشر الإخوة الكرام، التحذير واضح والبيان لا مجال لتفسيرات أخرى فيه، فهو سهل الوصول للمراد، بخلاف بعض المتلونة الذي تجد الكلام فيه يحتمل 5، 6، 7 معاني، والكل يأخذ بالمعنى الذي يريد، كأنما لا يريد أن يقبض عليه شيء أو أن لا يكون له موقف واضح. قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. كم هو زبلي في فرنسا ضيء ضيء كي سي ها يشبك يفعل جست لا فازي فازي ها لكوت صح لكوت ضيء ضيء الضيء ضيء أكدو ضاد. من هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ثم بدأ يذكر عبادات، donc il y en a qui disent ma croyance elle est salafie, mais manière de faire face est contemporaine. Pourquoi fut-il du fait que son prêche soit un prêche prophétique sunnite dans sa manière et dans sa manière de faire face et dans sa présentation et sa mise en évidence? Car il n'y trouve pas ce qui les satisfait, il a des buts qui diffèrent avec cette voie. Cela leur présentation on va partager avec les frères quand même, non hein? Il faut tourner derrière le. Je vais plus donner cours maintenant. Hein? Comment je vais donner cours? Quand on a les cours avec Cheikh Falah Ismail, en général, il y a du thé, du café, des dates pour les gens. Alhamdulillah. Hein? Qu'est-ce donc que cela? Pourquoi fut-il du fait que son prêche soit un prêche prophétique, sunnite, dans sa manière et dans sa manière de faire face et dans sa présentation, sa mise en évidence? On a dit la réponse. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas ce qu'il est satisfait. Il a des buts qui diffèrent. Car leur présentation n'est pas claire. Il y a une différence entre celui qui dit j'appelle Allah et celui qui commence par autre chose que cela. Telle était la clarté. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire, même dans sa présentation aux gens, et dans la manière de se comporter avec eux. Une servante vint et lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à elle, où est Allah? Elle répondit, au-dessus, hein? Des cieux, sa'oulala. Hein? Il lui dit, qui suis-je? Elle dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors à son maître, libère-la car c'est une croyante. Telle est la clarté. Et telles étaient les compagnons qu'Allah les agrée tous. Vous avez écouté le débat par rapport à Halilah Makan de Charles Albani? 4 cassettes, je me souviens bien. Hein? Et débat avec deux personnes différentes. Hein? Et ils essaient de. Le hadith est dans Sahih Muslim, ils essaient de le rendre jugé faible. Ils disent pourquoi? Que le hadith est le mot tarib. Parce qu'il y a plusieurs versions du hadith, elles sont contradictoires. Parce qu'une fois il a dit, hein? Quoi? Atashadina Allah ilaha illallah, Ayna Allah, etc. Ils ont dit, ah! Hadith Muttarib, on ne peut pas regrouper, il y a des. Hein, les différentes formulations, etc. Et même si dans le Sahih Muslim, c'est un hadith qui est daïf. Et à qui il parle ? Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Je vous recommande ces cassettes-là, c'est plus clair que ça, c'est difficile. Évidemment, vous n'avez plus rien à dire à la fin, comme d'habitude, avec Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Vous avez écouté le débat entre Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Mahsil Abad sur le jeûne du samedi ? Écoutez-le. Deux montagnes. Vous l'avez écouté ? Cheikh Al-Albani et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abad. C'est très connu comme Hiwar Baina Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Mahsil Abad. Comme. Pardon ? Cheikh. Ils débattaient entre eux. Tu vois l'adab aussi, comment Cheikh Al-Mahsil Abad respecte Cheikh Al-Albani. Cheikh Fala Asmani, il m'a posé la question, il a dit, t'as écouté, j'ai dit, non. Il dit, qui tu vois qui était le plus fort? Moi, j'ai dit un des noms. Cheikh Fala, il a dit, non, c'est l'autre. Tu vois? Parce que moi, je ne jeûne pas le samedi. Et Cheikh Fala Asmani, il jeûne. Il a dit, pourquoi tu ne jeûnes pas? Mais je savais qu'il voulait me faire rentrer dans un... Ouais, j'ai dit, Cheikh, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? J'ai dit, Cheikh, on a mis comment c'est fait, dernier. Écoutez, le débat, il est très très intéressant. Par rapport au Siyam Youssef. Et c'est une question qui est arrivée cette année par rapport à quel jour ? C'était Ashura, vous êtes sûr ? Arafa. Est-ce que tu le jeûnes ? Tu le jeûnes pas ? Alhamdoulilah, il y a des paroles de savants. Retournez aux paroles de savants par rapport à ça. Telle est la clarté. Tels étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée tous. Et les prises de position claires sont nombre dans l'appel du prophète, alayhi salatu wassalam. A titre d'exemple, ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au kharijite, qui lui dit, « Oh Mohammed, sois juste. Ceci est un partage dont l'intention n'est pas la face d'Allah. » À qui il dit ça? Au prophète, alayhi salatu wassalam. Vous entendez ça maintenant, les kharijites contemporains? L'Arabie Saoudite, ils ne partagent pas. Le pétrole, etc. Le même genre d'ambiguïté. Malheur à toi, qui donc serait juste si moi je ne suis pas juste? Il sortira de la côte de cet homme jusqu'à la fin du hadith qui est très connu. C'est une indication envers qui? Un absent qui n'a pas été présent. De qui il parle ici? Le prophète Sassam, jusqu'à la fin du hadith, de qui il parle? Bien sûr, est-ce qu'ils étaient là? Parce qu'il a dit, il va sortir de cette personne-là, des gens, et puis les a décrits. Est-ce que c'est pas un tahdir, ça? Cheikh Abou El-Jaïbiri, il donne parmi les preuves du tahdir, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement mis en garde sur des gels que sahaba, qu'est-ce qu'ils ont cru? Fi ta'ifati? Nakhl, yani que quoi qu'il était? Parmi eux à Médine. Des gels, il est arrivé, il est là. Si il est là, vous me faites peur dans l'aqida, les frères. Il est là, le déjal, ou il est là? Attention, c'est ambigu ce que j'ai dit. Mais la vraie question, c'est quoi? Est-ce qu'il est sorti? C'est pour ça que les ulama disent quoi? Khourouj. Ad-déjal. Non. Non? Ewa. Ewa. Allah akbar. Salah al-afi, fitna kabira. Dans le sous-sud de l'imam Ahmed, il rapporte sur le déjal, la croyance au déjal, etc. Et il y a beaucoup de fawaïd parce que maintenant, si le déjal il sort, comment le salafi doit se comporter? Comment le sunni doit se comporter? Il y a des sunnans à faire. Et à dire, ça roule là. Et si on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Allah, mais moi, ce que je veux juste, je veux attirer l'attention sur quoi? Sur le fait qu'il faut apprendre, les frères. Non. C'est un chapitre qui est très court dans Usul Sunnah d'Imam Ahmed. Dans d'autres livres, vous trouvez de toute façon. On a traduit en français. C'est un des cours qu'on a fait dans Usul Sunnah d'Imam Ahmed. Et on a expliqué, Cheikh Rabi, il a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et Cheikh Al-Albani, il a analysé ça là, si je me souviens bien. Non? C'est quoi le titre? Tu te rappelles du titre? Mais il parle de Mesad Jaïr, il rapporte les riwayats en 1, en long et en large, etc. Je ne me souviens plus du titre. Mais Cheikh Al-Albani, il a un épître sur ce sujet-là. Regardez, sortiront de la côte de cet homme et des gens dont vous déprécierez votre prière en comparaison de la leur. Regardez, chers frères, cette mise en garde est claire et la mise en évidence ne laisse aucune place pour d'autres explications. Elle amène donc facilement à arriver au but, contrairement à certains caméléons dont tu verras les paroles avoir 5 ou 6 ou 7 sens différents possibles. Et chacun prend le sens qu'il veut. Et c'est comme s'il ne voulait pas que l'on puisse trouver quelque chose à leur reprocher ou comme s'il ne voulait pas avoir de position claire. Ils, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, sortiront de la côte de cet homme des gens dont vous déprécierez votre prière en comparaison de la leur et votre jeûne en comparaison du leur, etc. jusqu'à la fin du hadith. Puis le sallallahu alayhi wa sallam se met à citer des actes d'adoration. On a dit quoi? Qu'il ne faut pas être dupé et trompé par les actes d'adoration de quelqu'un. Ça, c'est une preuve. Oh frère, si nous voulons donner un exemple de prière authentique et d'adoration avec recueillement et des différents genres d'adoration après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allons-nous donner en exemple? Sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous déprécierez. C'est-à-dire, ces adorations sont chez ceux-là. Qui sont-ils? Khawarij. Vous montrez le degré d'adoration de ces gens-là. Et regardez les riwayats par rapport à eux, la description physique par rapport à l'ibada, etc. Les compagnons, malgré la pratique des adorations, se déprécient devant ceux-là en raison de la grandeur apparente de leur recueillement, de leur attitude, de dévotion. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toute clarté, les appelle les chiens de l'enfer. Et dit, si je les rencontre, je les tuerai comme le peuple de Had a été tué. Non. Des fois, on entend l'appellation les chiens de l'enfer ou les chiens des gens de l'enfer. J'essaie toujours de fermer la porte des questions dans les... Je connais la réponse. Annie, j'ai peur de me tromper, sarahatan, mais... Non, je préfère comme ça. C'est ce qu'il a dit chez hier, Inch'Allah, mais tu trouveras très facilement les différentes riwayats. Parce que si je te dis quelque chose de fou, après c'est enregistré, il y a des gens qui sont sur internet, vas-y, trouver chacun pour leur dire, attention, vous rappelez le jour à Nice là-bas, Ça, oh là là. Tandis que toi, maintenant de ton côté, comme l'a dit Charabla hier, je t'ai ouvert une porte. Et je me suis préservé. قال يخرج من دئدي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم ثم بدأ يذكر عبادات أيها الإخوة إذا أردنا أن نضرب المثل بالصلاة الصحيحة والعبادة الخاشعة وأنواع من العبادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم نمثل بمن؟ الصحابة هنا يقول تحقرون هذه العبادات عند هؤلاء من هم؟ الخوارج هذه العبادات بالممارسة الصحابة يحقرون أنفسهم أمام هؤلاء لشدة ما يكون في هؤلاء في الظاهر من التخشع والخشوع ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح كلاب النار لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وقتل عاد انتقاء ولا إبادة انتقاء أو إبادة قتل عاد إبادة نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر أن يبيدوا هؤلاء الخوارج إذن أيها الإخوة انظروا إلى هذا الجانب الواضح الجلي بعد ذلك هل يغتر الصحابة بأفعال الخوارج أو بعبادة الخوارج أو بزهد الخوارج إذا العبرة ليست بالنحيب والبكاء واللطم هذه التخشعات وهذه الأشياء التي تظهر في أنواع التعبدات إنما العبرة بماذا؟ بصحة الاعتقاد واتباع المنهج النبوي العبرة بهذا فقط بصحة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وليس في شيء دون شيء فرق بين أن تخص ذلك بلحظة أو بزمن أو بيوم أو بليلة من أن تجعل اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في مأكلك في مشربك في ملبسك في سفرك في إقامتك في ذهابك وفي إيابك وفي ليلك وفي نهارك وفي شرائك وفي بيعك وفي طريقة تعاملك وفي طريقة لباسك وفي حذائك وفي وضوئك وفي صلاتك وفي زكاتك وفي حجك وفي سلوك جميع ما تفعله من صباحك إلى ليلك حتى كل هذا هو حقيقة الاتباع هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لحظة أو يوم أو ليلة إنما هذا هو صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهي المحبة الحقيقية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم شيخ الدين par rapport au fait je les tuerai comme le peuple d'Ad a été tué, et le peuple d'Ad a été tué de manière sélective, mais il a été tué de manière sélective ou exterminé? Qu'est-ce que vous dites-vous? Exterminé, naam. Nous demandons à Allah qu'il facilite aux gens qui détiennent le commandement d'exterminer ces khawarij. Oh frère, regardez cet aspect clair et évident. Après cela, est-ce que les compagnons ont été trompés par les actes des khawarij, ou par les adorations des khawarij, ou par l'ascétisme zuhd des khawarij? On a expliqué c'est quoi zuhd, vous vous souvenez? L'expression Charles Fauzan. Je dois leur dire ou je ne dois pas leur dire? Est-ce qu'il y a des frères qui n'étaient pas là? Zuhd, parce que Cheikh Falah Ismail, il m'a dit de faire ça parce que, comme j'ai dit hier, c'est hier, hein, non? Hein, hier, hein? Avant-hier, c'est qu'on a fait le Cheikh Al-Imam. Il a dit qu'il fallait donner la différence entre les deux zuhd quand on parle d'ascétisme. Parce qu'en français, c'est hein, ascétisme. Est-ce qu'il est blâmable, il est louable, c'est quoi? Cheikh Salah Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il a dit dans son explication de Bulughul Maram, volume 6, page 209, à son sujet zuhd, c'est quoi? C'est la modicité dans le désir de quelque chose. Cet ascétisme est demandé et apprécié. Mais son sens n'est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé, comme certains qui? Hein? Non. Ce n'est que le délaissement de ce qui ne bénéficie pas dans ta vie de l'au-delà. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Moutimi, rahimahullah. Pour revenir, si vous voulez, à la référence sur Bulughul Maram, volume 6 de Cheikh Al-Fawzan. Donc, ce qui est considéré, ce ne sont pas les lamentations, ni les pleurs, ni les lamentations en se frappant, ni ces actes de dévotion, et ces choses qui apparaissent dans différents genres d'adoration. Qu'est-ce qui est pris en considération? L'authenticité de la croyance et le suivi de la voie prophétique. Ce qui est pris en considération, c'est uniquement cela. L'authenticité du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses et non pas uniquement dans certaines choses. Il y a une différence entre le fait que tu spécifies cela un moment ou un temps ou un jour ou une nuit et le fait que ton suivi soit dans ta manière de manger, dans ta manière de boire, et dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de voyager, et dans ta résidence, et dans ton départ, et dans ton retour, et dans ta nuit, et dans ta journée, et dans tes achats, et dans tes ventes, et dans ta manière de te comporter, et dans ta manière de t'habiller, et dans tes chaussures, et dans tes ablutions, et dans ta prière, et dans ta zakat, et dans ton pèlerinage, et dans ta manière de te comporter, dans tout ce que tu fais de ta matinée jusqu'à ta nuit. Voilà le réel suivi. C'est cela le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas un instant ou un jour ou une nuit. C'est le suivi véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'amour véridique. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah pardonneur et miséricordieux. Il y a un soi-disant islamologue en Belgique, à l'université catholique de Louvain. Il a dit à la télévision, il l'a appelé pour parler de la salafia. Et il dit, la salafia, il lui dénigrait quelque part. Il dit, c'est facile, c'est juste le suivi. Il dit, c'est facile, tu suis, il n'y a pas de place pour là. Hein, suivi. Ah là, le professeur, tu fais ça, etc. C'est de sharaf, hada. Hein? C'est de sharaf. Ou la conférence au Lillah? C'est un hassan. C'est pas un musulman, hein, mais ils ont appelé ce genre de personnes-là pour parler de la salafia. Surat Ali Imran, verset 31. Et telle est la clarté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apprise à ses compagnons. J'en citerai rapidement quelques exemples, car va ajouter à ce que j'ai dit notre orienteur et l'orienteur des prêcheurs de Médine, mais de plus l'orienteur de beaucoup d'étudiants en sciences islamiques, c'est qui? Cheikh Salah Suhaimi. Mais de plus, beaucoup de gens bénéficient de lui, pas seulement au niveau de Médine et du royaume d'Arabie Saoudite, mais au niveau international, et c'est notre Cheikh Salah Suhaimi qu'Allah lui facilite, qui fait partie des chouurs de Cheikh Falah Ismail aussi. Vous n'avez jamais posé la question, comment est-ce que Cheikh Suhaimi est aveugle ou pas? Vous n'avez jamais posé la question, comment est-ce qu'il arrive à ce degré de science, alors qu'il est aveugle? Hein? Cheikh Falah Ismail nous a expliqué, il a dit qu'en fait, en Arabie Saoudite, une des caractéristiques, c'est qu'ils sont très très en avance par rapport au fait de prendre soin des aveugles au niveau de l'éducation. D'ailleurs, ils donnent des bourses supérieures aux étudiants aveugles. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Cheikh Suhaimi? C'est qu'il est docteur, vous savez, il a fait son doctorat à l'université de Médine. Hein? Et c'est maintenant lui qui yusherif ala ba'd le doctorat, etc. Et il nous a dit que quand Cheikh Sahim, imagine Cheikh Sahim, il présente son doctorat. Et les frères, ils étaient là. Hein? Cheikh Fala Ismail était là aussi pour voir. Hein? Parce qu'il y a une munaqasha. Il y a un jury qui est là. Et Cheikh Sahim, il défend sa thèse de doctorat. D'accord? Et au début, il laisse toujours une parole à l'étudiant de remerciement, etc. par rapport au Jamia, etc. Et le Cheikh, il s'est excusé. Il a dit, je voudrais faire quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Et je voudrais remercier quelqu'un en particulier. Et c'est mon frère. Il a dit parce que, après Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le frère de Cheikh Sahimi, hein, qui était toujours avec Cheikh Sahimi, et qui prenait les notes pour Cheikh Sahimi. Et il rentre avec lui, il a dit, pour ses examens à lui, il est laissé de côté jusqu'à ce que moi il me fasse réviser ma matière. Hein? Regardez, Ikhwa. Regardez le fadl. Son frère, il est resté avec son frère jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il obtienne sa thèse de doctorat. Allahu Akbar. Hein? Il a dit, en Arabie Saoudite, ils sont très avancés. Ils donnent même une bourse supérieure aux enfants aveugles, etc. pour qu'ils suivent. Ils donnent beaucoup de facilité, etc. Hein? Les compagnons ont appris cette clarté. Regardez la prise de position d'Abou Bakr Kralagré. On va lire peut-être pour les frères arabophones d'abord. وهذا الوضوح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته واستعرض شيئا من ذلك على عجل لأن هناك إضافة لموجهنا وموجه دعاة المدينة بل هو موجه طلبة علم في كثير بل كثير يستفيد منه وليس على مستوى المدينة. Savez où il a enseigné aussi Cheikh Sahimi? Imagine Nabawi, la mosquée du prophète, il a sa chaise là. وموجه دعاة المدينة بل هو موجه طلبة العلم في كثير بل كثير يستفيد منه وليس على مستوى المدينة والمملكة بل في العالم هو شيخنا شيخ صالح السحيمي وفقه الله تعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الوضوح. انظروا موقف أبي بكر مع المرتدين حصل ما حصل فإذا بعمر رضي الله عنه يكون له موقف فما كان موقف أبي بكر موقف واضح والله لو كان عقال لقاتلتهم عليه. هذا الوضوح تأتي بعد المواقف ونتائج الحميدة. عمر رضي الله عنه مواقفه كثيرة ولكن مما يتداول موقفه مع من؟ مع ايه كما نقول سنو كومبلي بنو عسل نعم vous connaissez ce sbir l'histoire avec le bâton d'Omar ibn Khattab quand il a tapé ولما خرج الخوارج بعد ذلك أتوا إلى سبيغ فقالوا الأمر قد زال قال قد أدبني العبد الصالح. موقف عثمان واضح مع الخوارج لما خرجوا وأتوا. موقف علي بن أبي طالب كذلك رضي الله عنهم جميعا. موقف عبد الله بن مسعود واضح. Et ça on va laisser pour après parce que ça ça demande un peu de détails. Les compagnons ont appris cette clarté. Regardez la prise de position d'Abu Bakr avec les apostats, radiallahu anhu. Il est arrivé ce qui est arrivé, et Omar a une prise de position. Et quelle était la position d'Abu Bakr? Qala l'agré, c'était quoi? Une position claire, par Allah. Même si ce n'était que pour une entrave de chameau, je les combattrais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit Omar, radiallahu anhu? Ahsan. Que quoi? Que la ilaha illallah. Yani, comment vas-tu combattre ces gens qui attestent qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah? Et c'est là que Abu Bakr lui a répondu ça. Voilà la clarté qui a pour conséquence les bonnes positions et les bons résultats. Les prises de position d'Omar qu'Allah l'a agré sont nombreuses. Par celles qui sont connues, sa prise de position avec qui? Avec Soubir, qu'a-t-il fait avec lui? Après que les Khawaris se rebellèrent, ils vinrent chez Soubir et dirent l'affaire est révolue. Soubir, il leur a dit quoi? L'homme vertueux m'a éduqué. Omar ibn Khattab. La prise de position de Uthman est claire avec les Khawaris lorsqu'ils se rebellèrent et vinrent. La prise de position de Ali ibn Abi Talib également, radiallahu anhum jami'an. Et maintenant la prise de position d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est un hadith que vous connaissez sûrement avec les, ceux qui étaient en cercle, qui faisaient les adhkar d'une certaine manière. Vous connaissez ce hadith ou pas, hein? Ou bien ce hadith, c'est un athar. وقف عبد الله بن مسعود واضح جلي عندما أتى أصحاب الحلق وهو مواقف كثيرة وله آثار جميلة جدا ولو يلتفت لهذا بعض طلاب العلم ويجمعون بعض الآثار التي أتت عن ابن مسعود رضي الله عنه في مواقفه الأثرية السنية في مواجهة أهل البدع ووضوحه في طرحه فهي منهجية نبوية مباركة واضحة جلية وفي نفس الوقت يكون رده على صاحب البدعة ومن ذلك ما حصل مع أصحاب الحلق فما أتاها أبو موسى الأشعري فلما أتاها أبو موسى الأشعري وهو في الكوفة قال أما إني قد رأيت أمرا أنكرته سأسوسي ديفيسيل أتخرجر أما إني قد رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا كما تفتخرجر سا شغبت أنا غاب أما إني قد رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا قال وما ذاك قال قوم في المسجد كذا حلق يذكرون قال ألم تقل لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن انظروا هذا الطرح مع من؟ مع خاصته ونفس طرحه مع من؟ مع القوم ليس له كلام معه وكلام معهم لما أتاهم قال ألم تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن نفس العبارة عبارتهم هي نفس العبارات أحكامهم هي نفس الأحكام وهذا يجعلني أتأمل فيما أتت به هيئة كبار العلماء في مسألة المظاهرات وحكم عام لجميع بلاد الدنيا ثم يأتي أصحاب التلون يقولون لا في بلاد لا تجوز وفي بلاد تجوز parmi ceux qui ont dit ça c'est le Maghraoui le Maghraoui au Maroc il a dit ça il a dit que la révolution du 20 février je crois qu'il l'appelle au Maroc 20 février Dans les autres pays, c'est une rose, un lotus, je ne sais pas quoi, un yasmine, hein, l'yasmine et kada. Hein, au Maroc, c'est le 20 février. Hein? Il a dit quoi? Fa'innaha thawratun mubaraka. Il a dit non, il a dit fa'innaha thawratun mubaraka. Il a rapporté des choubades pour essayer d'excuser les manifestations, etc. Au hukm ala jami'i biladina. Qu'est-ce que Cheikh Barabzani dit, hafidahullah ici, il dit? La prise de position d'Abdullah ibn Mas'ud est claire et apparente lorsqu'il a lâché les gens qui s'étaient mis en cercle. Il a de nombreuses prises de position et il a de très belles paroles. Si seulement étudiants en sciences islamiques, certains étudiants pouvaient prêter attention à cela et regrouper certains des textes rapportés d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, concernant ses prises de position sunnites, athariques, dans le fait de faire face aux gens d'innovation. Et sa clarté dans sa présentation, car c'est une méthodologie prophétique bénie. Claire et apparente, et en même temps, il réfute la personne qui est sur une innovation religieuse. C'est comme ce qui s'est passé avec les gens qui étaient en cercle. Lorsque Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, vint à eux, quand il était al-Kufa, il dit « J'ai certes vu quelque chose que j'ai réprouvé, et je n'ai vu que le bien. » Alors cette phrase, si on la laisse comme ça, vous la comprenez ou pas? Ça peut prêter, hein? Je la répète, « J'ai certes vu quelque chose que j'ai réprouvé, et je n'ai vu que le bien. » Alors, j'ai certes vu quelque chose que j'ai réprouvé, c'est-à-dire dans mon fort intérieur, sans le montrer de peur que ma réprobation soit mal placée. Je vous donne une référence, Fath al-Mannan, l'explication de Sunan al-Darimi, volume 2, page 248. Et maintenant l'autre partie, et je n'ai vu que le bien, c'est-à-dire ce que j'ai réprouvé dans mon fort intérieur est en apparence un bien. Hein? Même référence que précédente. Il dit, qu'est-ce donc? Il dit des gens assis en cercle dans telle mosquée qui font des invocations. Il dit, ne leur as-tu pas dit de compter leurs péchés, car je leur garantis leurs bonnes actions? Regardez, pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens en cercle? Pourquoi il a dit compter? Ils faisaient, mais comment ils faisaient? Avec les pierres, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les pierres? Et ils jetaient, ils disaient quoi? Hein? Mais il y a quelqu'un qui disait, oh? Naam. Naam, Ahsan, c'est ça. Il dit, regardez cet exposé, avec qui? Là, il parle à qui? Abu Musa al-Ash'ari, c'est quelqu'un qui est proche de lui. Le même que son exposé aux gens. On n'a pas deux exposés différents. Un truc avec juste les frères, et puis un truc devant les gens à la mosquée, hein? hein, quelque chose avec les salafis, quelque chose avec les hizbiyins. Ça n'existe pas ça chez nous. Il n'y a pas une parole pour lui, son proche, une parole pour eux, les gens assis en cercle invoqués. Lorsqu'il vint à eux, il leur dit, ne comptez-vous pas vos péchés car je vous garantis vos bonnes actions. La même parole qu'il a dit à Abou Moussa al-Ash'ari. La même parole, leurs paroles sont les mêmes et leurs jugements sont les mêmes. Cela me fait méditer quant à ce qu'a dit l'assemblée des grands savants d'Arabie Saoudite au sujet des manifestations. Et cela est un jugement d'interdiction qui est général à tous les pays du monde. Qui s'est levé en Égypte pour dire Yajouz? Mohamed Hassan. Au Maroc, hein? Chaque pays il a son hein? Al-Mahraoui. Puis certains caméléons ils viennent en disant non, il y a des pays où cela est interdit et d'autres où cela est autorisé. Alors que les hein, ulama ont dit la yajouz mutlaqan. Hein? Ils changent de position en ce qui concerne les jugements. C'est cela la différence entre la clarté et l'absence de clarté. Et c'est pour cela qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit à cela, par Allah, vous êtes sur une religion jusqu'à la fin de ce qu'il a dit. تلون في الأحكام هذا الفرق بين الوضوح وعدمه لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لهؤلاء والله لا أنتم على ملة إلى آخر كلامه هذا بعد أن سألهم لأنه استشكل مهم فيه من حيث الاجتماع فالأصل في الاجتماع في قول أبو موسى رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه قال إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا ما هو الأمر الذي أنكره وما هو الخير قال إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا خير من حيث أصل إيش الاجتماع رحمك الله والإنكار من حيث صفة الاجتماع كما نقول ce genre de bid'a أحسنت فربما يكون عند صاحب الباطل أصل لكن على غير الصفة المشروعة فيأتي شخص يقول أدعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول أنا أدعو إلى الله نعم أنت تدعو ولكنك هذه دعوتك دعوة بدعية ما هي بدعوة سنية دعوتك ما هي بسنية دعوتك إما ياساوية أنا خصمًا جيدي ما لا تخدر ياساوية جمشي ياساوية سكر سكتا وكو الحمد لله جي تخوفي لا ريبونس دان ليفر دي شيخ خالد أبو عبد الأعلى كونيسي شيخ ان إيجيبت إلا فا ليفر كم سا 900 باج سيخي أبو سحق الحويني. Vous connaissez ce livre ? Al-Hudud al-Fasila. Ça s'appelle. C'est un long titre. Et alors, pour pas qu'il y ait de choubouhat, hein, il y a un parterre de ulama qui ont préfacé le. Hein, Cheikh Oubel Jabiri. Cheikh Ahmed Bezmoul. Cheikh Mohamed Mouhiyeddin de Médine. Cheikh Falah Ismail. Cheikh Hassan al-Banna, Abdelzouk al-Banna. Hein, le savant d'Égypte qui est le frère de Cheikh Mohamed al-Banna qui est mort. Rahimahullah. Hein? Pas Cheikh Hassan al-Banna des Khoul Muslimin. Cheikh Hassan al-Banna il est mort il y a longtemps. Hassan al-Banna des Salafis. Hein? Qui est en vivant aujourd'hui au Caire. Hein? Il a passé les 80. Et... Son frère est mort à l'âge de plus de 100 ans, Allah, si je me souviens bien. Et Cheikh Mohamed al-Banna, son frère, c'est un des chiurs de Cheikh Rabia. C'est un des chiurs de Cheikh Rabia. À la Koulihal, Cheikh Khalid Abu Abla'ala, il a rapporté d'une parole de Cheikh Mohamed Mouramd al-Hajiri sur le Tabligh. Et là, j'ai compris qu'en fait, Al-Yasawiya, c'est les atba'a de Mohamed Ilyas. Mais ça prend Al-Yasawiya, c'est pas Al-Ilyasawiya. Donc en fait, c'est les atba'a de Mohamed. C'est jamais At-Tablir, c'est ça en fait. Il faut chercher un peu. Hein? Alhamdulillah, tawfiq min Allah Azza wa Jal. Ou Ben-Nawiya, c'est quoi Ben-Nawiya? Mais quel Ben-Na maintenant? Le nôtre ou le leur? Le leur. Ou Sururiya, c'est qui Sururiya? Hein, il est chez nous là. Hein? Vous le voulez, on vous le donne ou là? Hein? Hein? Même ça, qu'en les phoques là-bas, les, hein? Les Esquimaux. Hein? Les Esquimaux, même ça, qu'en. Hein? أو سرورية أو ما وقعوا فيه الآن مما أفسدوا به الشباب حتى أضلوا كثير وحرفوهم عن منهج النبوة بماذا؟ بدعوى أن هذا ما يوافق لغة العصر فوقعوا تحت ضغط الواقع بما يسمون بفقه الواقع On revient à Tarra al-Mas'ud. Il a dit par Allah, il a dit aux gens des cercles, par Allah, vous êtes sur une religion jusqu'à la fin de la parole. Et moi, je vous rapporte la parole complète. Il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Soit, regardez cette règle, cette qaïda. Soit vous êtes sur une religion meilleure que la religion de Mohammed, soit vous avez ouvert une porte d'égarement. Et c'est la même référence que dans Sharh Sunan al-Darimi, page 247. Pourquoi ma langue a glissé, j'ai dit Mousnad? Qui sait? Ma langue a fourchi, j'ai Mousnad et je me suis rattrapé Sunan. Pourquoi? Parce que Sharh al-Bani rahimallah, il dit qu'il devrait normalement, le vrai nom, il devrait rattraper Mousnad, pas Sunan. Parce qu'il est murattab ala ruwat. Et c'est ça la caractéristique de Mousnad. Non. Et ceci après qu'ils aient, ils les aient questionnés car ils ne comprenaient pas la manière dont ils étaient réunis. La base dans la réunion est ce qu'a dit Abu Musa al-Ash'ari à Ibn Mas'ud, car là les agréent tous deux. J'ai certes vu quelque chose que j'ai réprouvé et je n'ai vu que le bien. Et ça on a déjà expliqué, on va un peu avancer, on a déjà expliqué ce que ça voulait dire ça. Quelle est cette chose qu'il a réprouvée? Quel est le bien? Il dit j'ai certes vu quelque chose que j'ai réprouvé et je n'ai vu que le bien. Un bien par rapport à la base de quoi? De la réunion. Tandis que le reproche concerne la manière de se réunir. Parce qu'il y a des choses qui ont un fondement, ça, oh là là. Mais c'est dans la manière que c'est innové. Et le frère, il a appelé ça comment? Une bid'a? Naam, idafiyya. Ouais. Un bien par rapport à la base de quoi? De la réunion. Tandis que le reproche concerne la manière de se réunir. Le fait de se réunir, on est réunis ou pas ici? Hein? Comment tu te réunis? Ça doit être mashrou'. Hein? Et si vous regardez, je vous recommande vivement de le faire dans Sharh Arba'in Nawawiyya de Sheikh Al-Uthaymeen. Il rapporte que la sunna, un acte d'adoration, il doit être conforme à la sunna en 6 choses. C'est quoi? Qui sait les dire? Je n'ai pas les 50 euros de Sheikh Ramzan, hein? Le temps, le lieu, la manière, la quantité ou le nombre. Par exemple, le nombre de 3 rak'at, par exemple, etc. On en a combien là jusqu'à maintenant? Le genre, Hassan. Ah, comment on dit le genre? Hein? Un nom, si je me souviens bien. Le sixième? Hein? C'est qui a dit ça? Qui lève sa main, je vois. Hein? Si je me souviens bien, tu as raison. Sabab. Retournez, Charles Thémin, Sarah Banaouya. Combien? 6, ça doit être conforme. 6 points, ça doit être conforme. Maintenant, il te dit, moi, je vais faire le Hajj, mais je vais le faire à Dakar. Hein? Moi, je vais le faire à Dakar. Qu'est-ce que je suis là? On rigole, mais. Hein? Bien sûr. Et l'autre dit, non, moi je vais le faire Ramadan. Et Mecca, c'est la même chose. Hein? Et c'est un peu exagéré, mais à la fin ça revient à ça. Hein? L'autre dit, non, le Maghreb, moi pourquoi 3, j'ai plein de péchés, j'en fais 4. Hein? Etc, etc. Quelqu'un, il se peut que celui qui soit sur le faux ait un fondement, mais une manière de faire qui n'est pas légiférée. Quelqu'un peut venir et dire, j'appelle Allah et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle Allah. C'est la traduction du sens du verset 33 de Sourate Fussilat. Il dit, moi j'appelle Allah. Oui, tu appelles Allah, mais ton appel est un appel innové dans la religion. Ce n'est pas un appel sunnite. Vous comprenez pourquoi il dit ça, il utilise cette règle-là ici. Quelqu'un veut dire, moi je fais da'wa, akhi. Da'wa, c'est mshrou'. Ah, regarde, j'ai ma table, c'est pas ce qu'ils disent. Tous les gens disent, non, on fait da'wa. كنتم خير أمة أخرجت للناس خروج. C'est ça qu'ils disent. Hein? المستعان. خروج بجهل وبصفة مبتدعة. Il dit, moi j'appelle Allah. Oui, tu appelles Allah, mais ton appel est un appel innové dans la religion, ce n'est pas un appel sunnite. Ton appel n'est pas un appel sunnite, mais ton appel est soit Yassawi, du nom de Mohamed Ilyas, le fondateur de la secte de Tablir, ou Bennit, ou Sururit, Hassan al-Banna, al-Bennit, al-Benniyoun, hein? Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, ou Sururit, hein? Mohamed Zine Abidine Surur, qui est chez nous en exil à Londres. Hein? Chaque fois, il a mis en garde sur lui, etc. Qui critique l'Arabie Saoudite, qui critique le Mashiach, qui, hein, etc. Ou ce dans de quoi ils sont tombés maintenant et qui a perverti beaucoup de jeunes à tel point qu'ils en ont dévié beaucoup et les ont égarés de la voie prophétique. Là, on a 1h40, on a dépassé la moitié. Allah alam, on ne terminera pas aujourd'hui. Allah alam. On prend ce qu'on prend et puis. Hein, en prétendant comment? En prétendant que c'est ce qui convient à notre époque. Ils sont donc tombés sous la pression de la contextualité. Parce qu'ils appellent la science de la contextualité. Fiqh al-waqi'. Et moi j'aime bien répondre de Cheikh Al-Albani par rapport à ça. Il a dit, non, mumkin l'alim ne peut pas y'arif al-waqi', mais il y'arif hukm hada al-waqi'. C'est le réponse de Cheikh Al-Albani. Mais il y'arif hukm hada al-waqi'. Il connaît, parce qu'ils disent non, les ulama connaissent pas la contextualité d'une chose. Regardez, astaghfirullah, comment ils parlent de. Hein? Moi, je vous assure qu'ils connaissent mieux qu'eux, que soit disant les sahab al-waqi'. Ils savent très bien ce qui se passe dans le monde, ils sont bien renseignés, ils, se, hein, ils parlent avec sunna et avec ilm. Cheikh Al-Albani lui a dit, c'est vrai qu'il est possible qu'un savant ne connaisse pas la contextualité d'un point donné, mais il connaît son jugement. Son prêche, sallallahu alayhi wa sallam, est clair. Et de même, les compagnons qu'elle les agréés, tous ont appris. Ibn Mas'ud a dit aux gens qui étaient réunis en cercle, qu'êtes-vous en train de faire? Ils répondirent, nous invoquons Allah. Lorsqu'ils dirent cela, alors que lui connaît l'invocation d'Allah, et connaît le fondement de la réunion, mais pas de cette manière. Ils disent, dites Allahu Akbar 100 fois, comme l'a dit le frère tout à l'heure, et ils ont des pierres hein, avec lesquelles ils comptent, etc. Ibn Mas'ud dit alors, par Allah, vous êtes sur une religion meilleure que la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Soit vous êtes sur une religion meilleure que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit vous avez ouvert une porte d'égarement. Il n'y a pas de troisième solution. Et c'est ce que vous dites les gens qui sont réunis en groupe et qui lisent le Coran bi nurmatin wahida. C'est « Akhi, taqillah, quand on lit le Coran, tu viens nous dire « la yajouz ». Non, le Coran c'est mashroua. Mais qui fait aussi la mashroua. La manière c'est légiférer aussi, comme le fait de lire le Coran c'est légiférer. Il n'y a pas de troisième solution. La clarté est limpide. C'est cela la clarté. Il n'y a pas de couleur grise. Moi, j'ai déjà entendu ça des discours. Ah, c'est pas noir ou blanc, ah. C'est quoi, c'est gris? C'est quoi? Hein? Ouais, peut-être. Tout est bien, tout, hein? Et on entend ce genre de discours. Ce n'est pas des choses inventées. On entend ce genre de discours. La clarté est limpide. Soit sunna, soit bid'a. Alors c'est quoi le bid'a? On traduit ça en général par innovation, mais j'aime bien rajouter toujours un mot avec qui est quoi? Innovation religieuse. Que ce soit un qaid ihtirazi en fait. Hein? Je vous renvoie à la définition de qui? Chantevi. Hein? Il a donné une superbe définition de la bid'a dans quoi? Dans son livre l'I'tisam, je vous donne la référence. Étudiez-la, elle est très courte. Elle est très courte. Son livre l'I'tisam, volume 1, page 50. Aux éditions d'Ar ibn Affan, volume 1, page 50, l'I'tisam de Shatibi. Parce que dans la définition, il dit Fiddin, Tariqa Mukhtara'atun, etc. Il dit Fiddin, hein? Dans la religion. Ça, c'est pas une innovation, ça? Hein? Nous, on a déjà eu des gens chez nous à la mosquée, chez nous à Birmingham, chez nous. Ah, les soufis viennent, ils se lèvent dans la khutba, ils commencent à crier, etc. Ah, le micro, quoi, c'est pas le bid'a. La hawla la quwwata illa billah. Cheikh Raslan, il a bien expliqué ça dans son livre, dira cette le bid'a' ou le mubtadi'in. وحتى الوسائل لها حكم الغايات وكذا والمساحي المصالح ما يفرق من المصلحة المصالح مرسلة و والتابي هذا بدعة il nous dit ça il y avait ça le tapis هذا hein le haut-parleur هذا hein le jahl. Donc on a dit quoi? Soit sunna, soit bid'a. Soit tawhid, soit shirk. Soit obéissance, soit désobéissance. Soit droiture, soit déviance. ليس في وجهة يقول أريدها على منهج النبوة، وفي وجهة أخرى يقول لا نريد أن نجعل بعض الضلالات أنها حسنة. لا يمكن أن تكون الضلالة حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الكل تفيد العموم، parmi أدوات العموم c'est les particules ou les choses qui indiquent la généralité. كل toutes veut dire non il y a certaines et certaines. Tu contredis la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète dit toutes, toi tu dis non pas certaines. Et qui on va écouter, toi ou le prophète صلى الله عليه وسلم؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك سمى هذه البدعة وكل بدعة ضلالة. فليأتي شخص يقول لا هذه بدعة ليست ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فيأتي شخص يقول لا هذه بدعة ليست ضلالة، كل البدع ضلالات وكل ضلالة من حيث الحكم في النار. فانتبه يا عبد الله. فقال لهم هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، دليل قرب عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صحابته متوافرون. إذن الكتاب والسنة على هدي من؟ على هدي الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء مزكى طريقهم. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الضلال وأهل الانحراف ماذا قال فيهم؟ قال المقولة العظيمة التي تبين لكم لكل منحرف عن سنة النبوية أنه ضال عنها. فماذا قال؟ قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن المنحرفين الضالين الذين قد خرجوا عن الجدة، بل قالوا من هي يا رسول الله؟ أرادوا معرفة الحق واتباعه. قال عليه الصلاة والسلام ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا تنسون يا دي جون يسيد غندر سو حديث كوا فابل شيخ الألباني رحمة الله عليه. Hein, il a prouvé que c'était quoi. Et si je me souviens bien, Ahmed Al-Asman a fait une petite risala là-dessus, hein, sur l'authentification de ce hadith. هنا التميز هنا الوضوح ما كان على مثل أنا علي ما عليه اليوم أي يوم ذلك اليوم إسلام ذلك اليوم كم سختي ديز شنو إسلام today ها أو كان الإسلام إسلام yesterday ها يعني hier يا دوز إسلام الإسلام hier الإسلام d'aujourd'hui ها. هنا الوضوح ما كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. أما إسلام اليوم فيه فرق وبدع وضلالات، فإسلام ذلك اليوم الوضوح والدعوة الواضحة لما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانظر لنفسك، انظر لعقيدتك، انظر لعبادتك، انظر لأخلاقك، انظر لمعاملتك، انظر لسلوكك، هكذا الوضوح. الوضوح مطلب مع نفسك، مع ربك، مع أهلك، مع زوجك، مع الناس في تعاملك. Et moi je vous ai fait nasiha, je vous ai dit il faut faire attention à votre comportement avec tout le monde, qu'il soit musulman ou non musulman, qu'il soit âgé ou pas, qu'il soit salafi ou pas, et en particulier les gens qui viennent à votre mosquée, et en particulier les gens qui ont un certain âge dans votre mosquée, hein. Et aussi j'avais dit aussi par rapport aux parents, c'est très très important, je crois, hein. Ça c'est, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce genre d'affaires. الوضوح الواضح واضح، ولذلك لم يتعب لأن لم يتعبوا أهل الوضوح، لأن المخالف يعرفهم، وأما غيرهم أصبحوا مطية لربما ركبوا لقضاء بعض المآرب لأنهم ليسوا واضحين. وأما الواضح حتى لو أتى المخالف لوجدته في ذلك المجلس طرحه طرح واضح لا يهاب إلا أن ينتقد في ذلك المجلس. لماذا؟ لأن الحق له هيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذلة والصغار على من خالف أمري، مفهوم المخالفة لذلك والعز والتمكين لمن وافق أمري. C'est pour cela qu'il a appelé bid'a. Il a appelé bid'a et toute bid'a est un égarement. Que quelqu'un ne vienne pas te dire non, cette bid'a, innovation religieuse, n'est pas un égarement. Le prophète a dit que toute innovation religieuse est un égarement. Et quelqu'un vient dire non, cette innovation religieuse n'est pas un égarement. Toutes les innovations religieuses sont des égarements. Et tout égarement en ce qui concerne le jugement est en enfer. Sois donc sur tes gardes, aux serviteurs d'Allah. Il a Abdullah ibn Mas'ud, car Al-Agri leur a dit, en parlant du prophète, son ustensile ne s'est pas encore cassé, et ses vêtements ne se sont pas encore usés. Et c'est une preuve de quoi? La proximité dans le temps. Et voilà ses compagnons présents. Hein? Parmi eux qui? ذكرت أن وأني وأنيته لم تكسر وثيابه لم تبل أني وقال وأصحابه متوافرون من منهم هو نفسه donc le Coran et la Sunna selon la guidance de qui selon la guidance des compagnons qu'Allah les agrée tous et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire Allah les agrée et il l'agrée la louange de la voix de cela a été faite et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la situation des gens de l'égarement et de la déviance, que dit-il à leur sujet? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam ces sublimes paroles qui clarifient à tout déviant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le déviant s'est égaré de cette sunna. Là, qui va dire le hadith? Ça laisse le temps de manger une petite date pour monter le sucre un petit peu. Hein? Qui dit le hadith? En arabe. Hadith iftiraq. Man yuhadithuna bih. حديث الافتراق من يحدثنا به فليتفضل مشكورا تفقوا يعني ايوه ان شاء الله Vous connaissez cette version du hadith Vous connaissez cette version Regardez un petit peu, Inch'Allah, dans les dires. C'est un hadith qu'il faut étudier. Essayez de voir les différentes versions. Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça Ahsan, jazakallahu khair. Il m'a laissé un peu le temps de. Hein? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Les compagnons ne questionnèrent pas au sujet des déviants égarés qui sont sortis de la voie droite, mais au contraire, ils questionnèrent sur le groupe sauvé en disant quel est-il au messager d'Allah? Ils venaient connaître la vérité et la suivre. Ils répondirent, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi aujourd'hui. Quel jour? Ce jour-là, l'islam de ce jour-là. Tandis que l'islam d'aujourd'hui, il y a des groupes et des innovations religieuses et des égarements. L'islam de ce jour-là, c'est la clarté et l'appel clair à ce sur quoi était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Regarde-toi donc, regarde ta croyance, regarde ton adoration, regarde ton comportement, regarde ta manière d'être avec les gens, regarde ta moralité. Telle est la clarté. La clarté est une chose requise avec toi-même, avec ton Seigneur, avec ta famille, avec ton épouse ou ton époux, pour les sœurs, avec les gens dans ta manière d'agir. Celui qui est clair est clair. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas fatigué les gens clairs, car celui qui les oppose les connaît. Qui n'est pas marié ici? Hein? Il ne faut pas me lever la main. Hein? Quand même pas mal, hein? Hein? Salihat. Ah, tu veux qu'on te rajoute l'awsaf, hein? Asbiru. Hatta yughniyakum Allah min fadlih. Wa alaykum bis sawm. C'est une sunna qu'on délaisse des fois. La clarté est une chose requise avec toi-même, avec ton Seigneur, avec ta famille, avec ton épouse ou ton époux, avec les gens dans ta manière d'agir. Celui qui est clair est clair. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas fatigué les gens clairs, car celui qui les oppose les connaît. Quant aux autres, ceux qui ne sont pas clairs, ils sont devenus des montures qui ne sont peut-être montés pour certains desseins, certains buts, car ils ne sont pas clairs. Tandis que celui qui est clair, même si celui qui s'oppose à lui vient s'asseoir, tu le trouveras clair dans son exposé. Et n'ayant pas peur d'être critiqué dans cette assise. Pourquoi? Que la vérité inspire un respect mêlé de crainte. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'humiliation et l'avilissement sont sur celui qui transgresse mon ordre. Et la compréhension par le contraire est, la puissance et la consolidation sont pour celui qui est en conformité avec mon ordre. Tu le trouveras donc comme tel, clair dans son exposé. Et quand il part, tu le trouveras de même. Puis le cheikh il dit, fais attention avec qui tu t'assois, car certaines personnes avec qui tu t'assois peuvent ne pas être de bonne compagnie. Il se peut qu'ils réalisent ses desseins personnels et qu'ils fassent, etc. C'est pour cela que quand les troubles, les événements arrivent, les novices glissent, tandis que ceux qui sont fermes restent fermes et appellent les gens à ce quoi la religion est et n'appellent pas au discours de la rue. Ils appellent les gens à la religion d'Allah. Tandis qu'en ce qui concerne les rues, vous avez observé ce qui s'est produit maintenant dans le monde musulman. Et comme sont étonnants ces slogans qui sont répétés. Nous n'avons pas entendu des slogans de colère pour Allah, ou pour l'ordre d'Allah, ou pour l'unicité d'Allah, ou pour son établissement. Ce ne sont que des pleurs pour ce qu'ils appellent le libéralisme, hein, et l'ilhad, hein, et la liberté prétendue, l'athéisme, etc. Hein. C'est pour cela qu'il n'y a aucune clarté dans ces prêches. La clarté est un sujet très important car elle facilite la propagation de la da'wah. Cheikh il dit, fatajidouhou, كذلك في طرحه وعندما ينصرف تجد منه ما تجد إياك والجليس فبعضهم غير أنيس ربما يقدم آرب ويفعل ما يفعل ولذلك تأتي الفتن وتأتي الأحداث فيزل فيه الأحداث ويثبت فيه الأثبات فيدعون الناس إلى ما عليه الشرع لا إلى لغة الشوارع يدعون الناس إلى شرع الله وأما الشوارع فقد حصل فيها ما سمعتم الآن في العالم الإسلامي وعجيب تلك الشعارات التي تردد لم تسمع غضبة لله ولا لأمر الله ولا لتوحيد الله ولا لإقامته إنما بكاء على ما يسمونه بالليبرالية والعلمانية والديمقراطية وزعم الحرية ولذلك هذه الدعوات لا وضوح فيها إن شأن الوضوح مهم جدا فهو يسهل انتشار الدعوة ثم الوضوح لا يجعل المخالف يختلط بهذا الطرح لأنه يعلم أنه ليس نفسه ليس نفسه عفوا فلو أتيت إلى ذلك الرافدي فقل هل أنت سني؟ لقال لا لو أتيت للبدعي فقل هل أنت سلفي؟ لقال لا لا يستطيع أن ينتمي إلى الحق وإذا قلنا للسلفي وإذا قلنا السلفي نعني الإسلام نعني ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Et ça, c'est une règle que nous a donné Cheikh Fall Ismail. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, une bid'a ou quoi, ou qui dit quelque chose, tu lui fais, est-ce que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam l'a fait? Oui ou non? Il n'y a pas 36 réponses. Il l'a fait de nous d'aller. Il ne l'a pas fait, on passe à autre chose. Abu Bakr, il l'a fait? La même chose. Hein? Omar, il l'a fait? Osman, il l'a fait? Ali, il l'a fait? Est-ce que nous, on ne va pas suffire de ce dont ils se sont suffis? Hein? Ça, c'est une règle. Ça marche, hein? Faites-le, Ali. Hein? N'importe quelle personne qui veut apporter quelque chose de nouveau, dites-lui ça. Posez-lui ces questions-là. Dans quelque matière que ce soit, est-ce que c'est sur quoi tu es toi là maintenant? Est-ce que tu lui fais les questions dans l'ordre? Abu Bakr, Oman, Othman, Ali, haoula sahaba, sahaba tu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum ardahum, wa man tabi'un bi ihsan, min a'imati l'islam, ila yomin nasi hada alladhi naqsuduhum. والإسلام بشموله ووضوحه في كل شيء دعوتهم واضحة بيضاء نقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالثبات الثبات على منهج النبوة فهو عنوان السلامة الثبات والاستقامة وإياك والتلاون في دين الله وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. Puis la clarté fait que celui qui transgresse la vérité ne peut pas se mélanger à cet exposé. Parce que si soit clair, qu'est-ce qui va se passer? Son absence de clarté, elle va être quoi? Évidente. Car il sait que ce n'est pas son style. Donc si tu vas voir un rafidite et que tu lui dis maintenant, es-tu sunnite, il dira quoi? Non. Et si tu vas chez un bid'i et que tu lui dis, es-tu salafi? Il dira quoi? Non. Il ne peut s'affilier à la vérité. Lorsque nous parlons de la salafia, nous voulons dire par cela l'islam, c'est-à-dire ce sur quoi étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée tous et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire parmi les imams de l'islam jusqu'à nos jours. C'est ce que nous entendons par cela. C'est l'islam dans sa globalité et sa clarté dans toutes choses. Le rappel est clair, blanc, pur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé sur une voie comme blanche, sa nuit est comme son jour, ne s'en égarera que quelqu'un de déviant. Restez ferme sur la voie prophétique, car c'est l'adresse du salut. Restez ferme sur la droiture, et prenez garde à changer de position dans la religion. Et telle est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ou Ardam, en raison de cela? ولذلك ماذا يقول ابن مسعود من جميل عبارته أنه قال إن المنكر كل المنكر أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف فإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا فاعلم أنه قد أصابتك الفتنة وإذا وجدت أنك أصبحت تعرف أشياء كنت تنكرها ولا ترضاها ليس لأنها مسائل قد اتضحت لك الأدلة فيها لا إنما لهوى في نفسك ملت معه إحدى المغريات الثلاث التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش إما في جانب الحكم والسياسات أو في جانب الأموال أو في جانب ماذا؟ النساء. انتبه، فلو ربما قسمت ظهر داعية فتغير من ذلك الوضوح إلى الغموض فوجدته يلتفت يمنة ويسرة لأصحاب هذه الأشياء فما تجده في محافل أهل السنة ولا في ملتقياتها إنما تجده مع كل صاحب هوى لأنه ترك الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. سورة محمد. Que dit Ibn Mas'ud car elle a gré en raison de cela. Il dit une parole qui fait partie de ses belles paroles. Le mal, tout le mal réside dans le fait que tu vois comme convenable ce que tu réprouvais et que tu réprouves ce que tu voyais comme convenable. Donc si tu trouves quelque chose de cela en toi, sache alors que tu as été touché par la fitna. Si tu vois que tu trouves convenable des choses que tu réprouvais avant et que tu n'acceptais pas. Pas des choses qui sont... Attention, faire la différence, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui sont clarifiées avec toi, avec les preuves après. C'est pas ça que le cheikh parle ici. Hein? Il a dit, pas des choses qui se sont clarifiées à toi par les preuves, non. Uniquement en raison d'une passion en toi, vers laquelle tu penses dans l'une des trois choses que Quraysh a proposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit dans le domaine du pouvoir et des affaires politiques, soit dans le domaine de l'argent, soit dans le domaine des femmes. Sois donc sur tes gardes. Car il se peut que ces choses aient brisé le dos d'un prêcheur qui a changé en passant de cette clarté à l'obscurité. Tu le vois donc tourner la tête à droite et à gauche cherchant après les gens qui possèdent ces trois choses. Tu ne le vois donc plus dans les assemblées des gens de la sunna, ni dans leurs rencontres. Mais au contraire, tu ne trouveras qu'en compagnie des gens des passions car il a délaissé la guidée. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, écoutez ces versets, « Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion ?» Sourate Mohammed, verset 14. C'est pour cela que tu te dois de te tenir à la vérité. Comme sont nombreux ceux qui basent leur argumentation sur le Coran et délaissent la Sunna, ils l'utilisent dans leur argumentation afin d'essayer de justifier l'égarement dans lequel ils sont. La sunna explique le Coran et le clarifie. On a vu ça, hein? Dans quel cours? Le cours de Hassan. Encore une fois, on ne s'est pas mis d'accord. La sunna explique les jugements du Coran, la vérité est donc claire. Il n'y a pas de personne qui soit sur le faux jouant avec les preuves et essayant de les utiliser dans son argumentation sans que ces preuves ne soient contre lui. Et puis on va rapporter une parole de Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ça va, je suis encore clair dans mes paroles ou maintenant je commence à... Hein? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Parce que je sens ma bouche, elle se fait un peu... Hein? C'est un signe de fatigue, ça. Hein? Chaque fois que je sens un peu, hein? Le niveau de sucre. Je risque de vider la boîte. Jazakallah khairan, barakallah. ولذلك إلزم الحق فما أكثر من يستشهد بالقرآن وهم يتركون السنة ويستشهدون بذلك ليستدلوا على ما هم عليه من باطل والسنة مبينة للقرآن والسنة مبينة للقرآن وموضحة لما فيه ومبينة لأحكامه فالحق واضح بل ما من صاحب باطل يتلاعب بالأدلة ويحتج بها إلا وكانت حجة عليه ومن جميل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول كلمة عظيمة يقول ما احتج صاحب بدعة من الكتاب والسنة إلا وجعلت حجة إلا وجعلت حجة عليه لا حجة له ولو تأملت في هذا القول لوجدت غاية الصواب في هذه العبارة لماذا؟ لأن الحق لا يحتج به في الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن أن يحتج بصاحب الاستدلال على باطل. فإذا أتى النور تجلت الظلم، تجلت الظلم، وهكذا وضوح الحق. بل لو اشتدت الفتن إن الشمعة لا ترى من بعد لما فيها من ضوء ونور ووضوح وضياء، فهي واضحة مهما اشتد الظلام. أثبت أيها السني، أثبت على الحق. فهذا الوضوح ابتلاء، وإياك والتلون، وإياك وكثرة الوجوه، إياك والتلون. فوضوحك يختصر الطريق على المتلقي فيستفيد، لأنه وجد لغة واضحة، لغة صادقة. وعامة أصحاب البدع أهل تلون، ليسوا أهل وضوح. يخفون طرحهم، يخفون كتبهم، يخفون عقائدهم، يخفون أمورهم، لا يستطيعون أن يظهرونها. Parmi les belles paroles de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il disait cette sublime parole: il n'y a pas une personne étant sur une innovation religieuse qui utilise comme preuve le Coran et la Sunna sans qu'elle ne se retourne contre lui et ne soit donc pas pour lui. Si tu médites cette parole, tu verras qu'elle est au summum de la vérité. Pourquoi? Car on ne peut pas utiliser la vérité comme preuve pour le faux. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et dit la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra, verset 81. Je vois, il y a plusieurs frères qui commencent à somnoler. Il y en a, c'est que le mashiach donne, c'est que tu bouges de place. Hein? Sans que tu somnoles, au pire des cas, ou au meilleur des cas, parce que c'est une ibadah, tu vas, tu fais le wudu, tu reviens. On ne peut pas prendre pour exemple quelqu'un qui essaie de justifier son erreur, car lorsque la lumière arrive, l'obscurité se dissipe. L'obscurité se dissipe, il en est de même en ce qui concerne la clarté de la vérité. Mais de plus, si les troubles venaient à s'aggraver, on pourrait alors voir une bougie de loin en raison de la lumière, de sa lumière, de sa luminosité et de sa clarté, car elle est claire même si l'obscurité se fait dense. Reste ferme, ô toi le sunnite, reste ferme sur la vérité, car cette clarté est un test. Prends garde à changer de position, prends garde à avoir de nombreux visages, prends garde à changer de position. Ta clarté raccourcit la voie à celui qui prend de toi et donc lui bénéficie, car il trouve un langage clair, un langage véridique, tandis que les gens de l'innovation religieuse sont des gens qui changent de position et non pas des gens clairs. Ils cachent leur exposé, leur appel, ils cachent leurs livres, ils cachent leurs croyances, ils cachent leurs affaires, ils ne peuvent les exposer au grand jour. Celui qui est sur la vérité est clair dans sa croyance, est clair dans son adoration, clair dans sa méthodologie, clair dans ses paroles, clair dans ses écrits, clair dans ses assises, clair dans sa fréquentation des gens. Tel était notre prophète, alayhi salatu wasalam. Et c'est pour cela que personne ayant une peine ne soit venu voir le prophète, sallallahu alayhi wasalam, sans qu'il n'en revienne avec le visage transformé, acceptant la vérité dès la première assise. Tandis qu'il se peut qu'il s'assoie lors de nombreuses assises avec les gens du faux, sans qu'ils ne chassent ce qu'ils veulent. Laisse donc ceux qui changent de position. صاحب الحق واضح في عقيدته، واضح في عبادته، واضح في منهاجه، واضح في كلماته، واضح في مكتوباته، واضح في مجالسه، واضح في مخالطته للناس. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس هناك صاحب عناء يأتي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ويرجع منه إلا وقد تغير الوجه الذي أتى فيه، فاستجاب للحق من لقاء واحد ومجلس واحد. وأصحاب الباطل ربما جلس معهم مجالس كثيرة ولم يعلم ماذا يريد هذا، فدع منك أهل التلون. وكما يقال بعبارة العصر: إن الشفافية مطلوبة. هذا دمو كونتمبوران، الشفافية مطلوبة، ومقابل الشفافية الضبابية التي أصبحت فقها جديدا يمارس بتمرير الأمور. لماذا؟ مراعاة لمصالحه الشخصية وأموره النفسية وقضاياه الاجتماعية. ما علم أنه إذا قال الحق أيده الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سورة البقرة. إن كفيناك المستهزئين، سورة الحجر. ما علم أن الله ناصر من كان معه وإن جندنا لهم الغالبون. ما علم أن الله معه وإن تخلف فإنه مخذول وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، سورة محمد. فالوضوح منهج النبوة. وليكمل أستاذنا وشيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقة والمدرس بالمجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومجد الدعاة بالمدينة النبوية وفقه الله وسدده. Là on a terminé, cher Bramzan, et on va commencer, cher Souhaim, Inch'Allah. Hein? On arrive petit à petit à la fin. Comme on dit dans le langage contemporain, la, à quelle heure est l'Iqama? Comme on dit dans le langage contemporain, la transparence est requise. Et en opposition à la transparence, il y a le brouillard, la confusion, qui est devenue une nouvelle compréhension que l'on exerce en laissant passer les choses. Pourquoi ? Par prise en considération de ses propres intérêts, et de ses affaires morales et sociales. Ne sait-il pas que s'il dit la vérité, Allah l'aidera ? La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. » Surat al-Baqarah, verset 137. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. » Surat al-Hijr, quel verset ? 95. Ne sait-il pas qu'Allah aide ceux qui sont avec lui ? La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et que nos soldats auront le dessus. » Surat al-Safat, verset 173. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ne seront pas comme vous. » Surat Mohammed, verset 38. La clarté est donc la voie prophétique. Et que finissent notre professeur, notre cher Salih ibn Sa'd al-Suhaimi, précédemment directeur du département de la croyance à l'université islamique de Médine et enseignant actuellement à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et orienteur des prêcheurs de Médine, qu'Allah lui facilite et le guide. Non à la parole de Cheikh Sahimi, hafidhahullah ta'ala. Vous faites l'aden, quand vous faites l'aden, moi j'arrête et puis je continue. C'est vous qui décidez quand vous faites l'aden, si vous faites l'aden, moi j'arrête. Non. Akit hmm? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sallallahu alayhi wa sallam, wa barik ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'ina ma ba'd. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمه الحسنى وبصفاته العلى أن نكون ممن شملهم الله بما ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت في عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، لقد طوف بنا أخي فضيلة الشيخ محمد بن رمزان هاجري الداعي المعروف وفقه الله تعالى في هذا الموضوع الهام، ألا وهو وضوح المنهج وأثره في انتشار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعيدا عن المناهج الخفية التي يديرها أهلها في الدهاليز، يرسمون لها الخطط في الظلمات والوهاد والأودية بعيدا عن الأنظار. إن الدعوة الإسلامية دعوة واضحة ليس فيها خفاء، يعرف ذلك كل من كان له لب يفرق به بين الأشياء، لكن ذلك قد يخفى على ضعاف البصيرة والسلام، وقد يخفى على من لم يؤسس دعوته على منهج النبوة، وتخفى على من لم يعتمد الأصول الكتاب السنة الإجماع أقوال الصحابة، يخفى ذلك على من يتخير في الدعوة الإسلامية يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، بل ربما تركت بعض الأحزاب وبعض الجمعيات وبعض الجماعات، ربما تركت أصل الأصول وحذرت منه، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بدعوة أن الدعوة إلى التوحيد يفرق الأمة. وأمر جمع التبليغ كذلك. ها Cheikh, il dit « Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que les prières, les salutations et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, alayhi salatu wassalam, et sur sa famille, tous ses compagnons. Ceci étant dit, je demande à Allah le Très-Haut par ses noms, qui sont les plus beaux et ses hauts attributs, que nous fassions partie de ceux qu'Allah a englobés au sujet desquels s'applique la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe de gens ne se regroupe pas dans l'une des demeures d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, récitant le livre d'Allah et se l'enseignant entre eux sans qu'ils ne soient enveloppés de la miséricorde d'Allah et que les anges les entourent et que la sérénité les descende sur eux et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, voir l'explication des 42 hadiths d'Imam Nawawi de Cheikh Al-Fawzan, page 272. Oh frère, mon frère, son éminence Cheikh Mohammed bin Ramzan al-Hajiri, le prêcheur célèbre, qu'Allah lui facilite, a fait le tour de ce sujet important qui est la clarté de la méthodologie et son effet dans la propagation de l'appel à Allah. Loin des méthodologies cachées, dirigées par leurs gens dans les galeries souterraines, hein, Sahab Torah Boral, etc. Hein? Il y en a ici en Europe, ils ont des appartements cachés, des garages, etc. Hein? Ça n'existe pas ça chez nous. Pour lesquels ils décrivent des stratagèmes dans les ténèbres et les abîmes et les ravins loin des regards. Le prêche de l'islam est un prêche clair, où rien n'est caché. Et c'est une chose connue par toute personne qui est une raison par laquelle il fait la distinction entre les choses. Mais il se peut que cela soit caché de ceux qui sont peu clairvoyants, ou que cela soit caché de ceux qui ne basent pas leur prêche sur la voie prophétique, et c'est caché de celui qui ne se base pas sur les fondements qui sont le Coran, la Sunna et le consensus, qu'on appelle Ijma' et les paroles des compagnons. Cela est caché de ceux qui choisissent ce qu'ils veulent dans l'appel islamique. Ils prennent ce qu'ils veulent et laissent ce qu'ils veulent laisser. Il se peut même que certains partis et certaines associations et certains groupes délaissent le fondement des fondements et mettent en garde contre ce fondement des fondements, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, prétendant quoi ? Que l'appel à l'unicité divise. Oui, c'est vrai, il divise les gens. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. فريق يمشون مع الاثنتين والسبعين فرقة والفرق والفرق التي كلها في النار وفريق مع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة وقال من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي المترسمين لخطى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إنها الدعوة الواضحة الجلية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. أحد الدعاة في المملكة من علمائنا الأفاضل طلب منه بعض الشباب لقاء من أجل أن يذكرهم، فقال بعض الحاضرين: يا شيخ، هذا المكان يرانا فيه الناس، فهل بحثنا عن مكان بعيد عن الأنظار؟ يريدون أن يلتبسوا أودية أو وهادا أو كهوفا يريدون أو يديرون من ورائها الخطط. فعرفهم الشيخ وفقه الله، فقال: نعم، عندي مكان عظيم لمثل هذه اللقاءات. فعرفهم الشيخ فأخذهم وذهب بهم إلى المسجد. إنه أخونا فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الشيخ يقول: oui, c'est vrai. La da'wa au tawhid, elle divise les gens. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Il est vrai qu'il divise les gens en deux groupes. Un groupe qui va avec les 72 groupes, ces groupes qui sont tous en enfer, mais un groupe avec le groupe sauvé, le groupe victorieux, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la jama'a. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi aujourd'hui, mes compagnons. Ceux qui suivent, hein, c'est-à-dire qui se calquent sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parole et en action et en croyance. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sourate Al-Ahzab, verset 21. C'est le prêche clair et apparent ayant pour source le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Loin de l'extrémisme et du laxisme et loin de l'exagération et du manquement. Certains jeunes sont venus voir l'un des prêcheurs ici en Arabie Saoudite. C'est Cheikh qui parle à Médine là. Parmi nos éminents savants, afin qu'ils leur fassent un rappel. Certains qui étaient présents, ils diront au Cheikh, regardez ce qu'ils disent au Cheikh. Je dis, Cheikh, les gens, ils nous voient ici à cet endroit. Est-ce qu'on ne chercherait pas un endroit loin des regards, hein? Ils veulent aller dans les ravins ou les abîmes ou les cavernes. Hein? Dans certains pays comme en Belgique, etc., il y en a des appartements, des studios cachés, cada, hein? Tu dois sonner, etc. Subhanallah, la da'wa n'est pas comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses à cacher, justement. Ils veulent aller dans les ravins ou les abîmes ou les cavernes car ils sont derrière cela, ils ont derrière cela des plans. Le Cheikh, il les compris, il leur dit, qu'Allah lui facilite, oui, j'ai un sublime endroit, si vous voulez, pour vous, j'ai un bon endroit, hein, pour ce genre de rencontre. Et il les prit, les emmena à la mosquée. C'est notre frère, son éminent, Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui facilite, qui est toujours vivant dans le sud de l'Arabie Saoudite. Oh, mes frères en islam, prenez-la comme une règle claire, comme l'a mis en évidence notre frère, Cheikh Mohamed ibn Ramzan al-Hajiri, qu'Allah lui facilite. Écoutez cette règle, cette qaïda. خذوه قاعدة واضحة كما بين أخونا وفقه الله كل دعوة أهلها يختفون عن الأنظار ليست دعوة إسلامية حقيقية، ليست دعوة على منهج النبوة، ليست دعوة على منهج الحق. يخطط فيها للبدع والخرافات الخزعبلات، يخطط فيها للتأسيس مذهب الخوارج، يخطط فيها لتأسيس المذاهب الفاسدة التي يروج لها طلاب المناصب ويروج لها كثير من عميت قلوبهم وأبصارهم عن الهدى النبوي القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اسمعوا لهذا الكلام لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إذا رأيتم القوم يتناجون في أمورهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الله أكبر. Toute prêche, c'est une règle ça maintenant, ça c'est une règle qu'il faudrait la noter, hein, mettre en, du fluo, etc. Hein, des signes attention pour bien la retenir. Toute prêche dont les gens se cachent loin des regards n'est pas un prêche islamique authentique. Et moi je parle surtout aux jeunes qui ne se fassent pas avoir par ces groupes qui essaient de récupérer les jeunes et tout ça. Il n'est pas un prêche basé sur la méthodologie prophétique, il n'est pas un prêche sur la voie des vérités. Ils y planifient les innovations religieuses et les fables et les histoires à dormir debout. Ils y font des plans pour instituer la voie des Khawarij. Ils y planifient afin d'instituer les fausses méthodologies que propagent ceux qui cherchent des postes et que propagent beaucoup de ceux dont les cœurs et les yeux sont aveugles et ne voient pas la voie prophétique, droite sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Omar ibn al-Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit « Si tu vois des gens s'isoler de la masse des gens dans leurs affaires, sache alors qu'ils sont occupés à établir un égarement. » Pourquoi tu te caches, Akhi? Pourquoi tu te caches? Si tu as quelque chose à dire, fais din, dis-le devant les gens. Pourquoi tu te caches, hein? ولذلك اقول لكم لقد علمنا اشياخنا الافاضل علماؤنا الكرام تلك الدعوه الواضحه المستمده من هذه النبوه من هذه النبي صلى الله عليه وسلم المبنيه على هذه الكتاب والسنه بعيده عن الافراط والتفريط. أما تلك الدعوات التي لا يمكن أن تسمع إلا عبر الكهوف، عبر الفيسبوك، وعبر بعض المواقع المظلمة، عبر هذه المواقع وتلك، هذه مواقع فاسدة، ودعاتها فاسدون، المستجيبون لها فاسدون، ومن تأثروا بهم فاسد، خذها قاعدة، ومن يتلقى تلك الدعوات الفاسدة. لذلك أقول لكم بكل وضوح كما أشار أخي، قضية المظاهرات التي يدعو إليها الرعاة والسفهاء ومرضى القلوب، والمثورون والمستأجرون من قبل الصهيونية العالمية، تلك الدعوات انظروا من يقف وراءها، يقف وراءها 6 فئات من الناس. Nos éminents professeurs et nos nobles savants nous ont appris ce prêche clair, ayant comme source la voie prophétique qui se base sur le Coran et la Sunna, loin de tout extrémisme et de tout laxisme. Tandis que ces prêches que l'on ne peut entendre qu'à travers les grottes, hein, ou via Facebook, ou via certains sites obscurs, ou via tel site ou tel site. Ce sont des sites corrompus, et leurs prêcheurs sont corrompus. Et ceux qui répondent à leur appel sont corrompus. Et ceux qui sont affectés par ces sites sont corrompus. Prenez cela comme règle. C'est pour cela que je vous dis en toute clarté, comme mon frère l'a indiqué, les manifestations auxquelles appellent la lie du peuple et les idiots et les malades du cœur, et les enfoncés qui ne peuvent pas se venger, et ceux qui sont payés par le sionisme international, mondial, ces appels, eh bien regardez qui se tient derrière. Il dit, se tiennent derrière ces appels 6 genres de gens. Et en vérité, il n'y a pas de parfum après arous. Vous connaissez cette expression en arabe? La itra ba'da arous. Vous savez ce que ça veut dire, hein? La itra ba'da arous. Hein? On va être un petit peu romantique là, on va un petit peu aller dans. Hein? On va voir qu'est-ce que ça veut dire cette. C'est une expression en arabe mais qui vient d'une poésie en arabe. Hein? Alors, la itra ba'da arous, c'est la traduction d'un vers de poésie dont l'histoire rapportait la suivante. Ces paroles auraient été prononcées par Asma bint Abdillah al-Udriya, qui était mariée à un homme appelé Arous, qui mourut. Après sa mort, elle se maria avec un homme appelé Naufal, qui était avare et désagréable et qui avait la laine fétide, contrairement à son ancien mari. Lorsqu'il partit avec elle, ils passèrent près de la tombe de Arous, son premier mari. Elle s'assit et se mit à pleurer et à se lamenter sur sa situation avec son nouveau mari, qui lui intima de se lever. Une bouteille de parfum tomba alors d'elle et Naufal lui dit « Prends ton parfum ». Elle lui répondit « Il n'y a pas de parfum après Arous. » Hein? « La itra ba'da Arous. » Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh ici? Hein? « Yannick, le parfum c'est quoi ?» C'est ce qu'il a dit cheikh Ben Ramzan. Hein? « La itra ba'da Arous. » Hein? On a dit quoi? Que il a dit, en vérité, il n'y a pas de parfum frère Arous, mais c'est mon frère qui m'a fait frapper à cette porte. Hein? Et je dis, et le cheikh il dit, derrière ces appels, il y a six catégories de gens qui tous, tout travail, pardon, caché dans les ténèbres. Combien de temps pour la prière? C'est maintenant. Il reste 4 pages en français. On ne voudrait pas retarder pour la jama'a. Les gens sont venus prier, on ne voudrait pas... Après Dour, ça va être juste, ça va être très juste. Il y a un programme et je vais partir bientôt, je prends l'avion bientôt, Inch'Allah. Donc, ça va être un peu difficile. Allez, les responsables, ils décident. On est avec la jama'a, moi, je suis pas difficile. بارك الله حسن تبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نشكركم شكرا جزيلا لا ما بغيناش نصعبوا على الناس اصبح لا في ناس عندهم اغراض وعندهم امور ولكن يوم الاحد ممكن على كل حال دونك يا سي جون دو بيرسون كاتيجوري دي جون كي tout travail caché dans les ténèbres. Écoutez ce que dit le cheikh ici, c'est un verset du Coran. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Sourate l'An'am, verset 122. هذا ينطبق على هؤلاء. فالست فئات. الأولى الغرب على اختلاف دياناتهم ومللهم الفاسدة. هم المؤيدون لتلك الدعوات الفاسدة الداعية إلى إسقاط العروش ويطلبوا أهلها المناصب. الثانية الرافضة. ولقد شنت حملات عبر ما يسمى بقناة العالم وغيرها كلها ولله الحمد باءت بالفشل في بلادنا وإن كانت قد نجحت في بعض البلاد الذين ليس عندهم من يوجههم. الثالثة الخوارج سواء منهم المختفون الذين يدعون في الظلام والقابعون في الكهوف أم الخوارج القعدة الذين يهيجون وهم يتسترون بين الناس هنا وهناك كما دعا بعضهم إلى إنشاء ملكية دستورية ونحو ذلك مما دعا إليه هؤلاء الأوغاد من مرضى القلوب وقعوا عليه وتحالف أولئك الخوارج الذين يدعون زعامة الصحوة تخالفوا جنبا إلى جنب مع الليبرالية العلمانية وهي الفئة الرابعة التي أيدت هذا الأمر الليبرالية العلمانية دعاة الإلحاد. الفئة الخامسة طلاب الكراسي والمناصب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو تأملنا أصحاب الخروج دائما يعني أصحاب الثورات والثيران يعني لو تأملتهم تأملت مناهجهم لوجدتهم لا تخرج أهدافهم عن أمرين إما أن يكون طلاب مال وإما أن يكونوا طلاب ماذا حكم ومنصب أبدا لا يخرجون عن هذا. وأما من خلفهم الذين يطبلون خلفهم فمنهم المغرور ومنهم الجاهل ومنهم السفيه ومنهم من يصطاد في الماء العكر. والفئة السادسة والأخيرة المرتزقة ومن يستادوا في الماء العكر ولكنهم لله الحمد فشلوا وسيفشلون وتحطمت جميع مخططاتهم على هذه الصخرة الصلبة في هذه البلاد التي قامت على توحيد الله الخالص والتي قامت على هذه النبوة والتي قامت على نشر التوحيد الخالص الصافي من كل كدر. فلقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم وقنواتهم وفيسبوكهم وكافة سبلهم التي جندوها وصحفهم ومجلاتهم وجميع ما أوتوا من قوة ودعوا إلى المظاهرات في جمعة معينة في بلاد الإسلام بلاد التوحيد وبلاد المقدسات في بلاد حمى الإسلام فردهم الله على أعقابهم خاسرين وردهم الله بغيدهم لم ينالوا خيرا وباءوا على أعقابهم خاسرين وباءوا بالخسران والخيبة ولم يتحرك أحد ولم يستجب لهم أحد فضلا من الله ونعمة فنحمده تبارك وتعالى وللحمد وهو للحمد أهل. ثم ضرب لذلك مثلا قال نشرت جريدة واشنطن بوست الأمريكية أن مراسلها انتشروا في كل مكان في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة ليسجلوا ما دعي إليه من الفساد الذي باء بالفشل ولله الحمد. يقولون فوزعنا المسجلين بأدواتهم وأجهزتهم فلم يجدوا إلا عكس ما تصوروا وجدوا أن هذا الشعب المبارك وأن هذه الدولة المباركة أن هذا المجتمع المبارك يقف صخرة صامدة خلف قيادته وخلف ولاة أمره وخلف علمائه لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تزعزعه هذه الأهواء ولا تؤثر فيه الأدواء. صحيفة أخرى قالوا جئنا 5 من دبي لنغطي تلك الأحداث التي توقعناها، فسكننا فندق الخزامي فلم نزد على أن شربنا قهوة في فندق الخزامة عفوا، وعندنا أدراجنا إلى المطار وعدنا أدراجنا إلى المطار وذهبنا إلى دبي. فالحمد لله الذي خيب آمالهم، أنا لا أريد أن أسترسل، فأخي قد وفى الموضوع حقه، ولكن هذا الأمر الموضوع جدير بأن يتكلم فيه، وأخونا الشيخ وفقه الله، أنا أعرف أنه أعطانا كثيرا من المسائل نظرا لتشعب الموضوع، وأعطانا قواعد مهمة جدا ينبغي لنا أن نترسمها ونسير عليها، وأستميحه عذرا في هذا الذي لا أسميه تعليقا، وإنما هو التأييد وتأكيد لما تفضل به، علما أنه هو شيخ الآخر، هذا من تواضعه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفق الجميع للعلم النافع وللعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc la traduction du sens de la parole d'Allah dit: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Sourate Al-An'am, verset 122. Ceci s'applique à ceux-là. Je dis que derrière eux, il y a 6 groupes qui travaillent dans l'obscurité. Le premier groupe, c'est l'Occident, avec ses différentes religions corrompues. Et ils sont ceux qui soutiennent ces appels corrompus et qui appellent à faire tomber les trônes et dont les gens cherchent à obtenir des postes. Deuxième groupe, les Rawafid, qui ont déclenché des offensives via ce qui est appelé Qanat Al-Alam. Vous connaissez Qanat Al-Alam, hein? C'est une chaîne satellitaire iranienne qui diffuse ces informations en arabe et en d'autres langues. Et d'autres. Et toutes ces offensives et toutes les louanges reviennent à Allah ont essuyé un échec dans notre pays. Même si elles ont réussi dans certains pays qui n'ont pas de gens qui peuvent leur donner des orientations. Troisième groupe, le Khawarij. Que ce soit ceux qui se cachent et appellent dans l'obscurité et qui sont cachés dans les grottes ou les Khawarij al-Qa'ada. Vous savez c'est quoi le Khawarij al-Qa'ada, hein? Et c'est les pires. Cheikh Khalid Abu Abla'ala, il dit ce sont ceux qui embellissent aux gens par la parole. C'est-à-dire par l'évélation de la voix et les prêches animées et sonores. La rébellion contre les gouverneurs. Sans procéder à la rébellion armée, eux-mêmes par les actes. Hein, les idéologues là. Vas-y, achi, allez, vas-y, lui reste à l'arrière. Hein? Voir sa réfutation des erreurs d'Abu Ishaq al-Hawini sous le titre Al-Hudud al-Fasila, Bena Usul Manhaj al-Salaf Salih ou Usul al-Qutbiya Sururiya, page 314. Et ces Khawarij al-Qa'ada, ils incitent les gens à se rebeller. Mais restent eux cachés entre les gens ici et là. Certains ont appelé à instaurer une monarchie constitutionnelle et à d'autres choses auxquelles ont appelé ces sots malades du cœur. Elles ont signé ces Khawarij, ceux qui prétendent être les leaders de la renaissance islamique. Hein? Et par rapport au Khawarij Qa'ada, certains salafs, ils ont dit que c'était les pires des Khawarij. Je vous donne une référence. Masail Imam Ahmed, rapporté par Abu Daoud, numéro 1749. Ils ont fait une alliance côte à côte avec le libéralisme, hein, et l'Ilhad. Des athées, ou laïcs si vous voulez, qui sont le quatrième groupe qui soutient cela. Les libéralistes laïcs qui appellent à l'athéisme. Cinquième groupe, ceux qui cherchent à obtenir des chairs et des postes. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, écoutez bien cette parole, il a dit, si nous analysions les gens qui se rebellent, et c'est Cheikh l'Islam qui parle, hein, en tout temps, c'est-à-dire les révolutionnaires, si tu les analyses et analyses leur méthodologie, tu verras que leur dessein ne sort pas de deux choses. C'est quoi ces deux choses? Hein? C'est soit que ce sont des gens qui cherchent l'argent, soit que ce sont des gens qui cherchent le pouvoir et les postes. Ils ne sortent donc jamais de ces deux choses. Tandis que ceux qui sont derrière eux, ceux qui tapent le tambour derrière eux, hein, parmi eux, il y a celui qui est dupé et l'ignorant, il y a le sot et il y a ceux qui prêchent en nos troubles. Sixième et dernier groupe, les mercenaires et ceux qui prêchent en nos troubles. Mais ils ont échoué, Oulillah Ilhamd. Et toutes les louanges reviennent à Allah et ils échoueront. Tous leurs plans se sont brisés sur cette roche solide dans notre pays, l'Arabie Saoudite, qui était établie sur l'unicité d'Allah, pure, et qui était établie sur la voie prophétique, et qui s'est attachée à propager l'unicité limpide, pure, de tout résidu. Ils se sont rassemblés avec leurs chevaux, et appelés, et dans leurs chaînes de télévision, et leur Facebook, et tous les moyens qu'ils ont pu, et leurs magazines, et leurs journaux, et tout ce qu'ils possèdent comme force. Ils ont appelé à manifester un certain vendredi dans le pays de l'islam, Saoudia, dans le pays de l'unicité, dans le pays des choses sacrées défendues par l'islam. Mais Allah les a fait se retourner sur leurs talons perdants. Personne n'a bougé, personne n'a accepté leur appel par la grâce d'Allah et son bienfait. Nous le remercions donc, il est certes le seul endroit d'être loué, subhanahu wa ta'ala. Puis c'est un exemple. Le journal Washington Post, un journal américain, a déclaré qu'il avait envoyé des envoyés spéciaux à tous les endroits du royaume, le jour du vendredi, afin qu'ils filment justement cet événement, ce au sujet duquel les appels de corruption avaient été lancés et qui ont échoué. Ils disent, nous nous sommes dispersés, nous avons dispersé les caméramans avec leurs appareils, leurs équipements, et ils n'ont trouvé que l'opposé de ce qu'ils s'imaginaient. Ils ont trouvé que ces peuples bénis et ces pays bénis et que cette société bénie se sont tenus durs comme roches derrière leur gouvernement et derrière leurs dirigeants et derrière leurs savants, sans craindre en Allah le blâme des blâmeurs et sans qu'ils ne soient secoués par ses passions et sans qu'ils ne soient affectés par ses maladies. Un autre journal dit, nous sommes arrivés à 5 de Dubaï afin de couvrir ces événements que nous imaginions et nous sommes installés à l'hôtel Al-Khuzama et nous n'avons rien fait d'autre que de boire du café à l'hôtel Al-Khuzama. Et nous avons ramené nos boîtes à l'aéroport et nous sommes retournés à Dubaï. Louange à Allah qui a fait qu'ils soient déçus dans leurs espoirs. Je ne voudrais pas m'étendre dans le discours car mon frère a donné au sujet son droit, mais ce sujet mérite que l'on en parle. Et je sais que notre frère nous a parlé de beaucoup de points en raison de la ramification du sujet. Il nous a donné des règles très importantes que nous devons de suivre et de mettre en application. Et je lui demande, alors que c'est son cheikh, qu'il m'excuse au sujet de ce que je n'appelle pas un rajout de ma part, mais plutôt un soutien, une confirmation de ce qu'il a bien voulu dire. Et je demande à Allah, le très généreux, le Seigneur du trône sublime, par ses noms qui sont les plus beaux des noms et ses hauts attributs, qu'il facilite à tous la science bénéfique et l'action vertueuse, et que les prières, les salutations et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Astasmihukum ala l'itala. Jazakum Allah khairan. Wallahu alam wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et avec ça, je crois qu'on a fini la dora. Il y a un cours qu'on n'a pas encore fait. Il a fursat une autre. ومعذرة الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وجزاكم الله خيرا على حسن استقبالكم ف ما جيم با ترو بارلي باسكو شي ان بو سنسيبل يعني اون في با ان دوفون لي جون وداكشي ولكن يعني صراحه سكو جي في سما بوكو بلو يعني كانت ايام طيبه مع اخواني من الطيبين ولا نحسبهم كذلك كنا نزك على الاحد ونشكر الجماعه جميعنا على حسن استقبالكم وحسن ظنكم بنا ونسال الله عز وجل ان يجعلنا عند حسن ظنكم بنا وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا أن تجتمعوا على الحق وأن تتعاونوا على البر والتقوى وأن تصبروا بعضكم مع بعض وجزاكم الله خيرا.